Isidore Ducasse, conte de l'Autréamont, Les chants de Maldoror, lu par Raphaël. Chant deuxième. Où est-il passé ce premier chant de Maldoror, depuis que sa bouche pleine des feuilles de la belladone le laissa échapper à travers les royaumes de la colère dans un moment de réflexion? Où est passé ce chant? On ne le sait pas au juste. Ce ne sont pas les arbres ni les vents qui l'ont gardé. Et la morale qui passait en cet endroit, ne présageant pas qu'elle avait, dans ses pages incandescentes, un défenseur énergique, l'a vu se diriger d'un pas ferme et droit vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences. Ce qui est du moins acquis à la science, c'est que depuis ce temps, l'homme, à la figure de crapaud, ne se reconnaît plus lui-même et tombe souvent dans des accès de fureur qui le font ressembler à une bête des bois. Ce n'est pas sa faute. Dans tous les temps, il avait cru, les paupières ployant sous les résédats de la modestie, qu'il n'était composé que de bien et d'une quantité minime de mal. Brusquement, je lui appris, en découvrant au plein jour son cœur et ses trames, qu'au contraire, il n'est composé que de mal et d'une quantité minime de bien que les législateurs ont de la peine à ne pas laisser évaporer. Je voudrais qu'il ne ressente pas comme moi, qui ne lui apprend rien de nouveau, une honte éternelle pour mes amères vérités. Mais la réalisation de ce souhait ne serait pas conforme aux lois de la nature. En effet, j'arrache le masque à sa figure traîtresse et pleine de boue, et je fais tomber un à un, comme des boules d'ivoire sur un bassin d'argent, les mensonges sublimes avec lesquels il se trompe lui-même. Il est alors compréhensible qu'il n'ordonne pas au calme d'imposer les mains sur son visage, même quand la raison disperse les ténèbres de l'orgueil. C'est pourquoi le héros que je mets en scène s'est attiré une haine irréconciliable en attaquant l'humanité, qui se croyait invulnérable, par la brèche d'absurdes tirades philanthropiques. Elles sont entassées comme des grains de sable dans ses livres, dont je suis quelquefois sur le point, quand la raison m'abandonne, d'estimer le comique si cocasse, mais ennuyant. Il l'avait prévu. Il ne suffit pas de sculpter la statue de la bonté sur le fronton des parchemins que contiennent les bibliothèques. Ô être humain, te voilà maintenant nu comme un ver en présence de mon glaive de diamant. Abandonne ta méthode, il n'est plus temps de faire l'orgueilleux. J'élance vers toi ma prière dans l'attitude de la prosternation. Il y a quelqu'un qui observe les moindres mouvements de ta coupable vie. Tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité acharnée. Ne te fie pas à lui quand il tourne les reins, car il te regarde. Ne te fie pas à lui quand il ferme les yeux, car il te regarde encore. Il est difficile de supposer que, touchant les ruses et la méchanceté, ta redoutable résolution soit de surpasser l'enfant de mon imagination. Ses moindres coups portent. Avec des précautions, il est possible d'apprendre à celui qui croit l'ignorer que les loups et les brigands ne se dévorent pas entre eux. Ce n'est peut-être pas leur coutume. Par conséquent, remets sans peur entre ses mains le soin de ton existence et la conduira d'une manière qu'il connaît. Ne crois pas à l'intention qu'il fait reluire au soleil de te corriger, car tu l'intéresses médiocrement, pour ne pas dire moins. Encore n'approchais-je pas de la vérité totale, la bienveillante mesure de ma vérification. Mais c'est qu'il aime à te faire du mal, dans la légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant que lui, et que tu l'accompagnes dans le gouffre béant de l'enfer, quand cette heure sonnera. Sa place est depuis longtemps marquée, à l'endroit où l'on remarque une potence en fer, à laquelle sont suspendues des chaînes et des carcans. Quand la destinée l'y portera, le funèbre entonnoir n'aura jamais goûté de proie plus savoureuse, ni lui contemplé de demeure plus convenable. Il me semble que je parle d'une manière intentionnellement paternelle, et que l'humanité n'a pas le droit de se plaindre. Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant. instrument arraché aux ailes de quelque pigargue roux. Mais qu'ont-ils donc, mes doigts? Les articulations demeurent paralysées dès que je commence mon travail. Cependant, j'ai besoin d'écrire. C'est impossible. Eh bien, je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée. J'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Mais non, la plume reste inerte. Tenez, voyez à travers les campagnes l'éclair qui brille au loin. L'orage parcourt l'espace. Il pleut. Il pleut toujours. Comme il pleut. La foudre a éclaté. Elle s'est abattue sur ma fenêtre entrouverte et m'a étendu sur le carreau, frappé au front. Pauvre jeune homme, ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces et la difformité de naissance pour ne pas avoir besoin en outre de cette longue cicatrice sulfureuse. Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de sitôt. Pourquoi cet orage? Et pourquoi la paralysie de mes doigts? Est-ce un avertissement d'en haut pour m'empêcher d'écrire et de mieux considérer ce à quoi je m'expose en distillant la bave de ma bouche carrée? Mais cet orage ne m'a pas causé la crainte. Que m'importerait une légion d'orages? Ces agents de la police céleste accomplissent avec zèle leur pénible devoir, si j'en juge sommairement par mon front blessé. Je n'ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable. Il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux, à partir du front, endroit où la blessure a été le plus dangereuse. Qu'un autre le félicite. Mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux. Ainsi donc, horrible éternel, à la figure de vipère, il a fallu que, non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, tu aies cru en outre, convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire sortir de mon front une coupe de sang. Mais enfin, qui te dit quelque chose? Tu sais que je ne t'aime pas, et qu'au contraire je te hais. Pourquoi insistes-tu? Quand ta conduite voudra-t-elle cesser de s'envelopper des apparences de la bizarrerie? Parle-moi franchement, comme à un ami. Est-ce que tu ne te doutes pas, enfin, que tu montres dans ta persécution odieuse un empressement naïf dont aucun de tes séraphins n'oserait faire ressortir le complet ridicule? Quelle colère te prend? Sache que, si tu me laissais vivre à l'abri de tes poursuites, ma reconnaissance t'appartiendrait. Allons, sultan, avec ta langue, débarrasse-moi de ce sang qui salit le parquet. Le bandage est fini. Mon front étanché a été lavé avec de l'eau salée, et j'ai croisé des bandelettes à travers mon visage. Le résultat n'est pas infini. 4 chemises, pleines de sang et 2 mouchoirs. On ne croirait pas au premier abord que Maldoror contint tant de sang dans ses artères, car sur sa figure ne brillent que les reflets du cadavre. Mais enfin, c'est comme ça. Peut-être que c'est à peu près tout le sang que put contenir son corps, et il est probable qu'il n'en reste pas beaucoup. Assez, assez, chien avide. Laisse le parquet tel qu'il est. Tu as le ventre rempli. Il ne faut pas continuer de boire, car tu ne tarderais pas à vomir. Tu es convenablement repu. Va te coucher dans le chenil. Estime-toi nager dans le bonheur, car tu ne penseras pas à la faim. Pendant 3 jours immenses, grâce aux globules que tu as descendus dans ton gosier avec une satisfaction solennellement visible. Toi, l'aimant, prends un balai. Je voudrais aussi en prendre un, mais je n'ai pas la force. Tu comprends, n'est-ce pas, que je n'en ai pas la force? Remets tes pleurs dans leur fourreau, sinon je croirais que tu n'as pas le courage de contempler avec sang-froid la grande balafre occasionnée par un supplice déjà perdu pour moi dans la nuit des temps passés. Tu iras chercher à la fontaine 2 seaux d'eau. Une fois le parquet lavé, tu mettras ce linge dans la chambre voisine. Si la blanchisseuse revient ce soir, comme elle doit le faire, tu la lui remettras. Mais comme il a plu beaucoup depuis 1 heure et qu'il continue de pleuvoir, je ne crois pas qu'elle sorte de chez elle. Alors elle viendra demain matin. Si elle te demande d'où vient tout ce sang, tu n'es pas obligé de lui répondre. Oh, que je suis faible! N'importe, j'aurai cependant la force de soulever le porte-plume et le courage de creuser ma pensée. Qu'a-t-il rapporté au Créateur de me tracasser, comme si j'étais un enfant, par un orage qui porte la foudre? Je n'en persiste pas moins dans ma résolution d'écrire. Ces bandelettes m'embêtent et l'atmosphère de ma chambre respire le sang. Qu'il n'arrive pas le jour où, Lohengrin et moi, nous passerons dans la rue, l'un à côté de l'autre, sans nous regarder, en nous frôlant le coude, comme deux passants pressés. Oh, qu'on me laisse fuir à jamais loin de cette supposition. L'Éternel a créé le monde tel qu'il est. Il montrerait beaucoup de sagesse si, pendant le temps strictement nécessaire pour briser d'un coup de marteau la tête d'une femme, il oubliait sa majesté sidérale afin de nous révéler les mystères au milieu desquels notre existence étouffe, comme un poisson au fond d'une barque. Mais il est grand et noble, il l'emporte sur nous par la puissance de ses conceptions. S'il parlementait avec les hommes, toutes les hontes rejailliraient jusqu'à son visage. Mais, misérable que tu es, pourquoi ne rougis-tu pas? Ce n'est pas assez que l'armée des douleurs physiques et morales qui nous entourent ait été enfantée. Le secret de notre destinée en haillons ne nous est pas divulgué. Je le connais, le Tout-Puissant, et lui aussi doit me connaître. Si, par hasard, nous marchons sur le même sentier, sa vue perçante me voit arriver de loin. Il prend un chemin de traverse afin d'éviter le triple dard de platine que la nature me donna comme une langue. Tu me feras plaisir, ô Créateur, de me laisser épancher mes sentiments. Maniant les ironies terribles, d'une main ferme et froide, je t'avertis que mon cœur en contiendra suffisamment pour m'attaquer à toi jusqu'à la fin de mon existence. Je frapperai ta carcasse creuse. Mais si fort que je me charge d'en faire sortir les parcelles restantes d'intelligence que tu n'as pas voulu donner à l'homme, parce que tu aurais été jaloux de le faire égal à toi, et que tu avais effrontément caché dans tes boyaux, rusé bandit, comme si tu ne savais pas qu'un jour ou l'autre je les aurais découvertes de mon œil toujours ouvert, je les aurais enlevées et les aurais partagées avec mes semblables. J'ai fait ainsi que je parle, et maintenant ils ne te craignent plus. Ils traitent de puissance à puissance avec toi. Donne-moi la mort pour faire repentir mon audace. Je découvre ma poitrine et j'attends avec humilité. Apparaissez donc envergure dérisoire de châtiments éternels, déploiement emphatique d'attributs trop vantés. Il a manifesté l'incapacité d'arrêter la circulation de mon sang qui le nargue. Cependant, j'ai des preuves qu'ils n'hésitent pas d'éteindre, à la fleur de l'âge, le souffle d'autres humains, quand ils ont à peine goûté les jouissances de la vie. C'est simplement atroce, mais seulement d'après la faiblesse de mon opinion. J'ai vu le Créateur, aiguillonnant sa cruauté inutile, embraser des incendies où périssaient les vieillards et les enfants. Ce n'est pas moi qui commence l'attaque, c'est lui qui me force à le faire tourner, ainsi qu'une toupie avec le fouet aux cordes d'acier. N'est-ce pas lui qui me fournit des accusations contre lui-même? Ne tarira point ma verve épouvantable. Elle se nourrit des cauchemars insensés qui tourmentent mes insomnies. C'est à cause de Lohengrin que ce qui précède a été écrit. Revenons donc à lui. Dans la crainte qu'il ne devint plus tard comme les autres hommes, j'avais d'abord résolu de le tuer à coups de couteau, lorsqu'il aurait dépassé l'âge d'innocence. Mais j'ai réfléchi et j'ai abandonné sagement ma résolution à temps. Il ne se doute pas que sa vie a été mise en péril pendant un quart d'heure. Tout était prêt, et le couteau avait été acheté. Ce stylet était mignon, car j'aime la grâce et l'élégance jusque dans les appareils de la mort. Mais il était long et pointu. Une seule blessure au cou, en perçant avec soin une des artères carotides, et je crois que ça aurait suffi. Je suis content de ma conduite, je me serais repenti plus tard. Donc, Lohengrin, fais ce que tu voudras, agis comme il te plaira, enferme-moi toute la vie dans une prison obscure avec des scorpions pour compagnons de ma captivité, ou arrache-moi un œil jusqu'à ce qu'il tombe à terre, je ne te ferai jamais le moindre reproche. Je suis à toi, je t'appartiens, je ne vis plus pour moi. La douleur que tu me causeras ne sera pas comparable au bonheur de savoir que celui qui me blesse de ses mains meurtrières est trempé dans une essence plus divine que celle de ses semblables. Oui, c'est encore beau de donner sa vie pour un être humain et de conserver ainsi l'espérance que tous les hommes ne sont pas méchants, puisqu'il y en a eu un, enfin, qui a su attirer, de force, vers soi les répugnances défiantes de ma sympathie amère. Il est minuit. On ne voit plus un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe. En voilà un qui apparaît subitement, comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants attardés le regardent attentivement, car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis, à l'impérial, des hommes qui ont l'œil immobile, comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui fait remuer son bras, et non son bras le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets? Sont-ce des habitants de la Lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire, mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus, pressé d'arriver à la dernière station, dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant la journée. Je n'ai pas mangé depuis hier. Mes parents m'ont abandonné. Je ne sais plus que faire. Je suis résolu de retourner chez moi et j'y serai vite arrivé si vous m'accordiez une place. Je suis un petit enfant de 8 ans et j'ai confiance en vous. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Un de ces hommes, à l'œil froid, donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ses gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille. L'autre baisse la tête d'une manière imperceptible, en forme d'acquiescement, et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace. Tout indique dans les traits des autres voyageurs les mêmes sentiments que ceux des deux premiers. Les cris se font encore entendre pendant 2 ou 3 minutes, plus perçants de seconde en seconde. L'on voit des fenêtres s'ouvrir sur le boulevard et une figure effarée, une lumière à la main, après avoir jeté les yeux sur la chaussée, refermé le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Seul, un jeune homme, plongé dans la rêverie, au milieu de ces personnages de pierre, paraît ressentir de la pitié pour le malheur. En faveur de l'enfant, qui croit pouvoir l'atteindre, avec ses petites jambes endolories, il n'ose pas élever la voix, car les autres hommes lui jettent des regards de mépris et d'autorité, et il sait qu'il ne peut rien faire contre tous. Le coude appuyé sur ses genoux et la tête entre ses mains, il se demande stupéfait si c'est là vraiment ce qu'on appelle la charité humaine. Il reconnaît alors que ce n'est qu'un vain mot, qu'on ne trouve plus même dans le dictionnaire de la poésie, et avoue avec franchise son erreur. Il se dit « En effet, pourquoi s'intéresser à un petit enfant? Laissons-le de côté. » Cependant, une larme brûlante a roulé sur la joue de cet adolescent qui vient de blasphémer. Il passe péniblement la main sur son front, comme pour en écarter un nuage dont l'opacité obscurcit son intelligence. Il se démène, mais en vain, dans le siècle où il a été jeté. Il sent qu'il n'y est pas à sa place, et cependant il ne peut en sortir. Prison terrible! Fatalité hideuse! Lombano, je suis content de toi depuis ce jour. Je ne cessais pas de t'observer, pendant que ma figure respirait la même indifférence que celle des autres voyageurs. L'adolescent se lève, dans un mouvement d'indignation, et veut se retirer, pour ne pas participer, même involontairement, à une mauvaise action. Je lui fais un signe, et il se remet à mon côté. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Les cris cessent subitement, car l'enfant a touché du pied contre un pavé en saillie et s'est fait une blessure à la tête en tombant. L'omnibus a disparu à l'horizon et l'on ne voit plus que la rue silencieuse. Il s'enfuit. Mais une masse informe ne le poursuit plus avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Voyez ce chiffonnier qui passe, courbé sur sa lanterne pâlote. Il y a en lui plus de cœur que dans tous ses pareils de l'omnibus. Il vient de ramasser l'enfant. Soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas comme ont fait ses parents. Il s'enfuit. Mais de l'endroit où il se trouve, le regard perçant du chiffonnier le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Race stupide et idiote, tu te repentiras de te conduire ainsi, c'est moi qui te le dis. Tu t'en repentiras, va, tu t'en repentiras. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer, par tous les moyens, l'homme, cette bête fauve, et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie, et cependant, l'on n'y verra que cette seule idée, toujours présente à ma conscience. Faisant ma promenade quotidienne, chaque jour je passais dans une rue étroite. Chaque jour, une jeune fille svelte de 10 ans me suivait, à distance, respectueusement, le long de cette rue, en me regardant avec des paupières sympathiques et curieuses. Elle était grande pour son âge et avait la taille élancée. D'abondants cheveux noirs, séparés en deux sur la tête, tombaient en tresses indépendantes sur des épaules marmoréennes. Un jour, elle me suivait comme de coutume. Les bras musculeux d'une femme du peuple la saisit par les cheveux, comme le tourbillon saisit la feuille, appliqua 2 gifles brutales sur une joue fière et muette, et ramena dans la maison cette conscience égarée. En vain, je faisais l'insouciant. Elle ne manquait jamais de me poursuivre de ma présence devenue importune. Lorsque j'enjambais une autre rue pour continuer mon chemin, elle s'arrêtait, faisait un violent effort sur elle-même au terme de cette rue étroite, immobile comme la statue du silence, et ne cessait de regarder devant elle jusqu'à ce que je disparusse. Une fois, cette jeune fille me précéda dans la rue et emboîta le pas devant moi. Si j'allais vite pour la dépasser, elle courait presque pour maintenir la distance égale. Mais si je ralentissais le pas, et qu'il y eut un intervalle de chemin assez grand entre elle et moi, alors elle le ralentissait aussi et y mettait la grâce de l'enfance. Arrivée au terme de la rue, elle se retourna lentement, de manière à me barrer le passage. Je n'eus pas le temps de m'esquiver, et je me trouvai devant sa figure. Elle avait les yeux gonflés et rouges. Je voyais facilement qu'elle voulait me parler et qu'elle ne savait comment s'y prendre. Devenue subitement pâle comme un cadavre, elle me demanda « Auriez-vous la bonté de me dire quelle heure est-il ?» Je lui dis que je ne portais pas de montre et je m'éloignai rapidement. Depuis ce jour, enfant à l'imagination inquiète et précoce, tu n'as plus revu dans la rue étroite le jeune homme mystérieux qui battait péniblement de sa sandale lourde le pavé des carrefours tortueux. L'apparition de cette comète enflammée ne reluira plus comme un triste sujet de curiosité fanatique sur la façade de ton observation déçue, et tu penseras souvent, trop souvent, peut-être toujours, à celui qui ne paraissait pas s'inquiéter des maux ni des biens de la vie présente et s'en allait au hasard avec une figure horriblement morte, les cheveux hérissés, la démarche chancelante, et les bras nageant aveuglément dans les eaux ironiques de l'éther, comme pour y chercher la proie sanglante de l'espoir, ballottée continuellement à travers les immenses régions de l'espace par le chasse-neige implacable de la fatalité. Tu ne me verras plus et je ne te verrai plus. Qui sait, peut-être que cette fille n'était pas ce qu'elle se montrait. Sous une enveloppe naïve, elle cachait peut-être une immense ruse, le poids de 18 années et le charme du vice. On a vu des vendeuses d'amour s'expatrier avec gaieté des îles britanniques et franchir le détroit. Elles rayonnaient leurs ailes, en tournoyant, en essaim doré, devant la lumière parisienne, et quand vous les aperceviez, vous disiez « Mais elles sont encore enfants, elles n'ont pas plus de 10 ou 12 ans. » En réalité, elles en avaient 20. Oh, dans cette supposition, maudits soient-ils les détours de cette rue obscure. Horrible, horrible, ce qui s'y passe. Je crois que sa mère la frappa parce qu'elle ne faisait pas son métier avec assez d'adresse. Il est possible que ce ne fût qu'un enfant, et alors la mère est plus coupable encore. Moi, je ne veux pas croire à cette supposition, qui n'est qu'une hypothèse, et je préfère aimer dans ce caractère romanesque une âme qui se dévoile trop tôt. Ah, vois-tu, jeune fille, je t'engage à ne plus reparaître devant mes yeux si jamais je repasse dans la rue étroite. Il pourrait t'en coûter cher. Déjà le sang et la haine me montent vers la tête à flots bouillants. Moi, être assez généreux pour aimer mes semblables? Non, non. Je l'ai résolu depuis le jour de ma naissance. Ils ne m'aiment pas, eux. On verra les mondes se détruire et le granit glisser comme un cormoran sur la surface des flots avant que je touche la main infâme d'un être humain. Arrière, arrière cette main. Jeune fille, tu n'es pas un ange et tu deviendras en somme comme les autres femmes. Non, non, je t'en supplie, ne reparais plus devant mes sourcils froncés et louches. Dans un moment d'égarement, je pourrais te prendre les bras, les tordre comme un linge lavé dont on exprime l'eau, ou les casser avec fracas, comme deux branches sèches, et te les faire ensuite manger en employant la force. Je pourrais, en prenant ta tête entre mes mains, d'un air caressant et doux, enfoncer mes doigts avides dans les lobes de ton cerveau innocent, pour en extraire, le sourire aux lèvres, une graisse efficace qui lave mes yeux, endoloris par l'insomnie éternelle de la vie. Je pourrais, cousant tes paupières avec une aiguille, te priver du spectacle de l'univers et te mettre dans l'impossibilité de trouver ton chemin. Ce n'est pas moi qui te servirai de guide. Je pourrais, soulevant ton corps vierge avec un bras de fer, te saisir par les jambes, te faire rouler autour de moi comme une fronde, concentrer mes forces en décrivant la dernière circonférence et te lancer contre la muraille. Chaque goutte de sang rejaillira sur une poitrine humaine pour effrayer les hommes et mettre devant eux l'exemple de ma méchanceté. Ils s'arracheront sans trêve des lambeaux et des lambeaux de chair, mais la goutte de sang reste ineffaçable, à la même place, et brillera comme un diamant. Sois tranquille, je donnerai à une demi-douzaine de domestiques l'ordre de garder les restes vénérés de ton corps et de les préserver de la faim des chiens voraces. Sans doute le corps est resté plaqué sur la muraille, comme une poire mûre, et n'est pas tombé à terre. Mais les chiens savent accomplir des bonds élevés si l'on y prend garde. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Ses yeux hardis dardent quelque objet invisible au loin dans l'espace. Il ne doit pas avoir plus de 8 ans, et cependant il ne s'amuse pas comme il serait convenable. Tout au moins il devrait rire et se promener avec quelques camarades au lieu de rester seul. Mais ce n'est pas son caractère. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Un homme, mu par un dessein caché, vient s'asseoir à côté de lui, sur le même banc, avec des allures équivoques. Qui est-ce? Je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous le reconnaîtrez à sa conversation tortueuse. Écoutons-les, ne les dérangeons pas. À quoi pensais-tu, enfant? Je pensais au ciel. Il n'est pas nécessaire que tu penses au ciel. C'est déjà assez de penser à la terre. Es-tu fatigué de vivre, toi qui viens à peine de naître? Non, mais chacun préfère le ciel à la terre. Eh bien, pas moi. Car puisque le ciel a été fait par Dieu, ainsi que la terre, sois sûr que tu y rencontreras les mêmes mots qu'ici-bas. Après ta mort, tu ne seras pas récompensé d'après tes mérites. Car si l'on te commet des injustices sur cette terre, comme tu l'éprouveras par expérience plus tard, il n'y a pas de raison pour que, dans l'autre vie, on ne t'en commette non plus. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne pas penser à Dieu et de te faire justice toi-même, puisqu'on te la refuse. Si un de tes camarades t'offensait, est-ce que tu ne serais pas heureux de le tuer? Mais c'est défendu. Ce n'est pas si défendu que tu crois. Il s'agit seulement de ne pas se laisser attraper. La justice qu'apportent les lois ne vaut rien. C'est la jurisprudence de l'offensé qui compte. Si tu détestais un de tes camarades, est-ce que tu ne serais pas malheureux de songer qu'à chaque instant tu aies sa pensée devant tes yeux? C'est vrai. Voilà donc un de tes camarades qui te rendrait malheureux toute ta vie, car voyant que ta haine n'est pas passive, il ne continuera pas moins de se narguer de toi et de te causer du mal impunément. Il n'y a donc qu'un moyen de faire cesser la situation, c'est de se débarrasser de son ennemi. Voilà où je voulais en venir, pour te faire comprendre sur quelle base est fondée la société actuelle. Chacun doit se faire justice lui-même, sinon il n'est qu'un imbécile. Celui qui remporte la victoire sur ses semblables, celui-là est le plus rusé et le plus fort. Est-ce que tu ne voudrais pas un jour dominer tes semblables? Oui. Sois donc le plus fort et le plus rusé. Tu es encore trop jeune pour être le plus fort, mais dès aujourd'hui, tu peux employer la ruse, le plus bel instrument des hommes de génie. Lorsque le berger David atteignait au front le géant Goliath d'une pierre lancée par la fronde, est-ce qu'il n'est pas admirable de remarquer que c'est seulement par la ruse que David a vaincu son adversaire et que si au contraire il s'était pris à bras-le-corps, le géant l'aurait écrasé comme une mouche? Il en est de même pour toi. À guerre ouverte, tu ne pourras jamais vaincre les hommes sur lesquels tu es désireux d'étendre ta volonté. Mais avec la ruse, tu pourras lutter seul contre tous. Tu désires les richesses, les beaux palais et la gloire? Ou m'as-tu trompé quand tu m'as affirmé ces nobles prétentions? Non, je ne vous trompais pas, mais je voudrais acquérir ce que je désire par d'autres moyens. Alors tu n'acquerras rien du tout. Les moyens vertueux et bonasses ne mènent à rien. Il faut mettre à l'œuvre des leviers plus énergiques et des trames plus savantes. Avant que tu deviennes célèbre par ta vertu et que tu atteignes le but, 100 autres auront le temps de faire des cabrioles par-dessus ton dos et d'arriver au bout de la carrière avant toi, de telle manière qu'il ne s'y trouvera plus de place pour tes idées étroites. Il faut savoir embrasser, avec plus de grandeur, l'horizon du temps présent. N'as-tu jamais entendu parler, par exemple, de la gloire immense qu'apportent les victoires? Et cependant, les victoires ne se font pas seules. Il faut verser du sang, beaucoup de sang, pour les engendrer et les déposer aux pieds des conquérants. Sans les cadavres et les membres épars que tu aperçois dans la plaine, où s'est opéré sagement le carnage, il n'y aurait pas de guerre, et sans guerre, il n'y aurait pas de victoire. Tu vois que lorsqu'on veut devenir célèbre, il faut se plonger avec grâce dans des fleuves de sang, alimentés par de la chair à canon. Le but excuse le moyen. La première chose pour devenir célèbre est d'avoir de l'argent. Or, comme tu n'en as pas, il faudra assassiner pour en acquérir. Mais comme tu n'es pas assez fort pour manier le poignard, fais-toi voleur, en attendant que tes membres aient grossi. Et pour qu'ils grossissent plus vite, je te conseille de faire de la gymnastique 2 fois par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. De cette manière, tu pourras essayer le crime avec un certain succès dès l'âge de 15 ans, au lieu d'attendre jusqu'à 20. L'amour de la gloire excuse tout. Et peut-être plus tard, maître de tes semblables, leur feras-tu presque autant de bien que tu leur as fait du mal au commencement. Maldoror s'aperçoit que le sang bouillonne dans la tête de son jeune interlocuteur, ses narines sont gonflées et ses lèvres rejettent une légère écume blanche. Il lui tâte le pouls, les pulsations sont précipitées. La fièvre a gagné ce corps délicat. Il craint la suite de ses paroles, il s'esquive, le malheureux, contrarié de n'avoir pas pu entretenir cet enfant pendant plus longtemps. Lorsque, dans l'âge mûr, il est si difficile de maîtriser les passions, balancé entre le bien et le mal, qu'est-ce dans un esprit encore plein d'inexpérience, et quelle somme d'énergie relative ne lui faut-il pas en plus? L'enfant en sera quitte pour garder le lit 3 jours. Plus au ciel que le contact maternel amène la paix dans cette fleur sensible, fragile enveloppe d'une belle âme. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dort l'hermaphrodite, profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs. La lune a dégagé son disque de la masse des nuages et caresse avec ses pâles rayons cette douce figure d'adolescent. Ses traits expriment l'énergie la plus virile, en même temps que la grâce d'une vierge céleste. Rien ne paraît naturel en lui, pas même les muscles de son corps, qui se fraient un passage à travers les contours harmonieux de formes féminines. Il a le bras recourbé sur le front, l'autre main appuyée contre la poitrine, comme pour comprimer les battements d'un cœur fermé à toutes les confidences, et chargé du pesant fardeau d'un secret éternel. Fatigué de la vie et honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas, le désespoir a gagné son âme et il s'en va seul comme le mendiant de la vallée. Comment se procure-t-il les moyens d'existence? Des âmes compatissantes veillent de près sur lui, sans qu'il se doute de cette surveillance. Il ne l'abandonne pas. Il est si bon, il est si résigné. Volontiers, il parle quelquefois avec ceux qui ont le caractère sensible, sans leur toucher la main, et se tient à distance dans la crainte d'un danger imaginaire. Si on lui demande pourquoi il a pris la solitude pour compagne, ses yeux se lèvent vers le ciel, et retiennent avec peine une larme de reproche contre la Providence. Mais il ne répond pas à cette question imprudente, qui répand dans la neige de ses paupières la rougeur de la rose matinale. Si l'entretien se prolonge, il devient inquiet, tourne les yeux vers les 4 points de l'horizon, comme pour chercher à fuir la présence d'un ennemi invisible qui s'approche, fait de la main un adieu brusque, s'éloigne sur les ailes de sa pudeur en éveil, et disparaît dans la forêt. On le prend généralement pour un fou. Un jour, 4 hommes masqués, qui avaient reçu des ordres, se jetèrent sur lui et le garrottèrent solidement, de manière qu'il ne put remuer que les jambes. Le fouet abattit ses rudes lanières sur son dos, et ils lui dirent qu'il se dirigea sans délai vers la route qui mène à Bicêtre. Il se mit à sourire en recevant les coups, et leur parla avec tant de sentiments, d'intelligence, sur beaucoup de sciences humaines qu'il avait étudiées, et qui montraient une grande instruction dans celui qui n'avait pas encore franchi le seuil de la jeunesse, et sur les destinées de l'humanité, où il dévoila entière la noblesse poétique de son âme, que ses gardiens, épouvantés jusqu'au sein de l'action qu'ils avaient commise, délièrent ses membres brisés, se traînèrent à ses genoux, en demandant un pardon qui fut accordé, et s'éloignèrent avec les marques d'une vénération qui ne s'accorde pas ordinairement aux hommes. Depuis cet événement, dont on parla beaucoup, son secret fut deviné par chacun, mais on paraît l'ignorer, pour ne pas augmenter ses souffrances, et le gouvernement lui accorde une pension honorable, pour lui faire oublier qu'un instant on voulut l'introduire par force, sans vérification préalable, dans un hospice d'aliénés. Lui, il emploie la moitié de son argent, le reste il le donne aux pauvres. quand il voit un homme et une femme qui se promènent dans quelque allée de platane, il sent son corps se fendre en deux de bas en haut, et chaque partie nouvelle aller étreindre un des promeneurs. Mais ce n'est qu'une hallucination, et la raison ne tarde pas à reprendre son empire. C'est pourquoi il ne mêle sa présence ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, car sa pudeur excessive qui a pris jour dans cette idée qu'il n'est qu'un monstre, l'empêche d'accorder sa sympathie brûlante à qui que ce soit. Il croirait se profaner, et il croirait profaner les autres. Son orgueil lui répète cet axiome, que chacun reste dans sa nature. Son orgueil, ai-je dit, parce qu'il craint qu'en joignant sa vie à un homme ou à une femme, on ne lui reproche tôt ou tard, comme une faute énorme, la conformation de son organisation. Alors il se retranche dans son amour-propre, offensé par cette supposition impie qui ne vient que de lui, et il persévère à rester seul, au milieu des tourments et sans consolation. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dort l'hermaphrodite, profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs. Les oiseaux, éveillés, contemplent avec ravissement cette figure mélancolique à travers les branches des arbres, et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste comme une tombe par la présence nocturne de l'hermaphrodite infortuné. Ô voyageur égaré, par ton esprit d'aventure qui t'a fait quitter ton père et ta mère, dès l'âge le plus tendre, par les souffrances que la soif t'a causées dans le désert, par ta patrie que tu cherches peut-être, après avoir longtemps erré, proscrit, dans des contrées étrangères, par ton coursier, ton fidèle ami, qui a supporté avec toi l'exil et l'intempérie des climats que te faisait parcourir ton humeur vagabonde. Par la dignité que donne à l'homme les voyages sur les terres lointaines et les mers inexplorées, au milieu des glaçons polaires ou sous l'influence d'un soleil torride, ne touche pas avec ta main, comme avec un frémissement de la brise, ces boucles de cheveux répandues sur le sol et qui se mêlent à l'herbe verte. Écarte-toi de plusieurs pas et tu agiras mieux ainsi. Cette chevelure est sacrée. C'est l'hermaphrodite lui-même qui l'a voulu. Il ne veut pas que des lèvres humaines embrassent religieusement ses cheveux, parfumés par le souffle de la montagne, pas plus que son front qui resplendit en cet instant comme les étoiles du firmament. Mais il vaut mieux croire que c'est une étoile elle-même qui est descendue de son orbite en traversant l'espace sur ce front majestueux qu'elle entoure avec sa clarté de diamant comme d'une auréole. La nuit, écartant du doigt sa tristesse, se revêt de tous ses charmes pour fêter le sommeil de cette incarnation de la pudeur, de cette image parfaite de l'innocence des anges. Le bruissement des insectes est moins perceptible. Les branches penchent sur lui leur élévation touffue, afin de le préserver de la rosée. Et la brise faisant résonner les cordes de sa harpe mélodieuse, envoie ses accords joyeux à travers le silence universel vers ses paupières baissées, qui croient assister, immobiles, au concert cadencé des mondes suspendus. Il rêve qu'il est heureux, que sa nature corporelle a changé, ou que du moins il s'est envolé sur un nuage pourpre, vers une autre sphère, habité par des êtres de même nature que lui. Hélas, que son illusion se prolonge jusqu'au réveil de l'aurore. Il rêve que les fleurs dansent autour de lui en rond, comme d'immenses guirlandes folles, et l'imprègnent de leurs parfums suaves, pendant qu'il chante un hymne d'amour entre les bras d'un être humain d'une beauté magique. Mais ce n'est qu'une vapeur crépusculaire que ses bras entrelacent, et quand il se réveillera, ses bras ne l'entrelaceront plus. Ne te réveille pas, hermaphrodite, ne te réveille pas encore, je t'en supplie. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Dors, dors toujours. Que ta poitrine se soulève en poursuivant l'espoir chimérique du bonheur, je te le permets, mais n'ouvre pas tes yeux. Ah, n'ouvre pas tes yeux, je veux te quitter ainsi pour ne pas être témoin de ton réveil. peut-être un jour, à l'aide d'un livre volumineux, dans des pages émues, raconterai-je ton histoire, épouvanté de ce qu'elle contient et des enseignements qui s'en dégagent. Jusqu'ici, je ne l'ai pas pu, car chaque fois que je l'ai voulu, d'abondantes larmes tombaient sur le papier et mes doigts tremblaient sans que ce fût de vieillesse. Mais je veux avoir à la fin ce courage. Je suis indigné de n'avoir pas plus de nerfs qu'une femme et de m'évanouir comme une petite fille chaque fois que je réfléchis à ta grande misère. Dors, dors toujours, mais n'ouvre pas tes yeux. Ah, n'ouvre pas tes yeux. Adieu, hermaphrodite. Chaque jour, je ne manquerai pas de prier le ciel pour toi. Si c'était pour moi, je ne le prierais point. Que la paix soit dans ton sein. Quand une femme, à la voix de soprano, émet ses notes vibrantes et mélodieuses, à l'audition de cette harmonie humaine, mes yeux se remplissent d'une flamme latente et lancent des étincelles douloureuses, tandis que dans mes oreilles semble retentir le tocsin de la canonnade. D'où peut venir cette répugnance profonde pour tout ce qui tient à l'homme? Si les accords s'envolent des fibres d'un instrument, j'écoute avec volupté ces notes perlées qui s'échappent en cadence à travers les ondes élastiques de l'atmosphère. La perception ne transmet à mon ouïe qu'une impression d'une douceur à fondre les nerfs et la pensée. Un assoupissement ineffable enveloppe de ses pavots magiques, comme d'un voile qui tamise la lumière du jour, la puissance active de mes sens et les forces vivaces de mon imagination. On raconte que je naquis entre les bras de la surdité. Aux premières époques de mon enfance, je n'entendais pas ce qu'on me disait. Quand avec les plus grandes difficultés on parvint à m'apprendre à parler, c'était seulement après avoir lu sur une feuille ce que quelqu'un écrivait que je pouvais communiquer à mon tour le fil de mes raisonnements. Un jour, jour néfaste, je grandissais en beauté et en innocence, et chacun admirait l'intelligence et la bonté du divin adolescent. Beaucoup de conscience rougissait quand elle contemplait ses traits limpides où son âme avait placé son trône. On ne s'approchait de lui qu'avec vénération, parce qu'on remarquait dans ses yeux le regard d'un ange. Mais non, je savais de reste que les roses heureuses de l'adolescence ne devaient pas fleurir perpétuellement, tressées en guirlandes capricieuses, sur son front modeste et noble, qu'embrassaient avec frénésie toutes les mères. Il commençait à me sembler que l'univers, avec sa voûte étoilée de globes impassibles et agaçants, n'était peut-être pas ce que j'avais rêvé de plus grandiose. Un jour donc, fatigué de talonner du pied le sentier abrupt du voyage terrestre et de m'en aller en chancelant comme un homme ivre à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevai avec lenteur mes yeux splénétiques, cernés d'un grand cercle bleuâtre, vers la concavité du firmament et j'osai pénétrer, moi, si jeune, les mystères du ciel. Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevai la paupière effarée plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçusse un trône, formé d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait, avec un orgueil idiot, le corps recouvert d'un linceul fait avec des draps non lavés d'hôpital, celui qui s'intitule lui-même le Créateur. Il tenait à la main le tronc pourri d'un homme mort et le portait, alternativement, des yeux au nez et du nez à la bouche. Une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait. Ses pieds plongeaient dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevaient tout à coup, comme des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre, deux ou trois têtes prudentes et qui s'abaissaient aussitôt avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied, bien appliqué sur l'os du nez, était la récompense connue de la révolte au règlement, occasionnée par le besoin de respirer un autre milieu. Car enfin, ces hommes n'étaient pas des poissons. Amphibies tout au plus, ils nageaient entre deux eaux dans ce liquide immonde. Jusqu'à ce que, n'ayant plus rien dans la main, le Créateur, avec les deux premières griffes du pied, saisit un autre plongeur par le cou, comme dans une tenaille, et le soulevant en l'air, en dehors de la vase rougeâtre, sauce exquise. Pour celui-là, il faisait comme pour l'autre. Il lui dévorait d'abord la tête, les jambes et les bras, et en dernier lieu le tronc, jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien, car il croquait les os. Ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité. Quelquefois, il s'écriait « Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir et c'est pour mon plaisir. » Et il reprenait son repas cruel en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe pleine de cervelle. Ô lecteur, ce dernier détail ne te fait-il pas venir l'eau à la bouche? N'en mange pas ce qui veut d'une pareille cervelle, si bonne, toute fraîche, et qui vient d'être pêchée il n'y a qu'un quart d'heure dans le lac aux poissons. Les membres paralysés et la gorge muette, je contemplais quelque temps ce spectacle. Trois fois, je faillis tomber à la renverse, comme un homme qui subit une émotion trop forte. Trois fois, je parvins à me remettre sur les pieds. Pas une fibre de mon corps ne restait immobile, et je tremblais comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée, ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entr'ouvrirent, et je poussai un cri si déchirant que je l'entendis. Les entraves de mon oreille se délièrent d'une manière brusque, le tympan craqua sous le choc de cette masse d'air sonore, repoussée loin de moi avec énergie, et il se passa un phénomène nouveau dans l'organe condamné par la nature. Je venais d'entendre un son. Un cinquième sens se révélait en moi. Mais quel plaisir eussé-je pu trouver d'une pareille découverte? Désormais, le son humain n'arriva à mon oreille qu'avec le sentiment de la douleur qu'engendre la pitié pour une grande injustice. Quand quelqu'un me parlait, je me rappelais ce que j'avais vu un jour au-dessus des sphères visibles et la traduction de mes sentiments étouffés en un hurlement impétueux dont le timbre était identique à celui de mes semblables. Je ne pouvais pas lui répondre, car les supplices exercés sur la faiblesse de l'homme, dans cette mer hideuse de pourpre, passaient devant mon front en rugissant comme des éléphants écorchés, et rasaient de leurs ailes de feu mes cheveux calcinés. Plus tard, quand je connus davantage l'humanité, à ce sentiment de pitié se joignit une fureur intense contre cette tigresse marâtre, dont les enfants endurcis ne savent que maudire et faire le mal. Audace du mensonge. Ils disent que le mal n'est chez eux qu'à l'état d'exception. Maintenant, c'est fini depuis longtemps. Depuis longtemps, je n'adresse la parole à personne. Ô vous, qui que vous soyez, quand vous serez à côté de moi, que les cordes de votre glotte ne laissent échapper aucune intonation, que votre larynx immobile n'aille pas s'efforcer de surpasser le rossignol, et vous-même, n'essayez nullement de me faire connaître votre âme à l'aide du langage. Gardez un silence religieux que rien n'interrompe. Croisez humblement vos mains sur la poitrine et dirigez vos paupières sur le bas. Je vous l'ai dit, depuis la vision qui me fit connaître la vérité suprême, assez de cauchemars ont sucé avidement ma gorge pendant les nuits et les jours pour avoir encore le courage de renouveler, même par la pensée, les souffrances que j'éprouvais dans cette heure infernale qui me poursuit sans relâche de son souvenir. Oh, quand vous entendez l'avalanche de neige tomber du haut de la froide montagne, la lionne se plaindre au désert aride de la disparition de ses petits, la tempête accomplir sa destinée, le condamné mugir dans la prison la veille de la guillotine, et la poulpe féroce raconter aux vagues de la mer ses victoires sur les nageurs et les naufragés. Dites-le, ces voix majestueuses ne sont-elles pas plus belles que le ricanement de l'homme? Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, serait capable par un pouvoir occulte de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône, et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue, afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme à un héros, et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, où combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la Providence, et le marbre se referme à jamais sur cette existence laborieusement remplie qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable qui s'avance et dont il vous a libéralement gratifié, afin que votre désespoir fût moins amer, et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux, qui deviendront plus tard de magnifiques poux, ornés d'une beauté remarquable, monstres à allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines d'œufs chéris, avec son aile maternelle sur vos cheveux, desséchés par la succion acharnée de ces étrangers redoutables. La période est promptement venue où les œufs ont éclaté. Ne craignez rien, ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir avec leurs griffes et leurs suçoirs. Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête et qu'ils se contentent d'extraire, avec leur pompe, la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un pou qui travaille. Vous m'en donnerez de nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur aux cachalots qui se battraient contre un pou. Ils seraient dévorés en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser. Le pou, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous si votre main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'eau et de chair. C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident, cela s'est vu. N'importe, je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait, ô race humaine. Seulement, je voudrais qu'elle t'en fît davantage. Jusqu'à quand garderas-tu le culte vermoulu de ce Dieu, insensible à tes prières et aux offrandes généreuses que tu lui offres en holocauste expiatoire? Vois, il n'est pas reconnaissant, ce Manitou horrible, des larges coupes de sang et de cervelle que tu répands sur ses autels, pieusement décorés de guirlandes de fleurs. Il n'est pas reconnaissant. Car les tremblements de terre et les tempêtes continuent de sévir depuis le commencement des choses. Et cependant, spectacle digne d'observation, plus il se montre indifférent, plus tu l'admires. On voit que tu te méfies de ses attributs qu'il cache, et ton raisonnement s'appuie sur cette considération qu'une divinité d'une puissance extrême peut seule montrer tant de mépris envers les fidèles qui obéissent à sa religion. C'est pour cela que dans chaque pays, existent des dieux divers. Ici le crocodile, là la vendeuse d'amour. Mais quand il s'agit du pou, à ce nom sacré, baisant universellement les chaînes de leur esclavage, tous les peuples s'agenouillent ensemble sur le parvis auguste, devant le piédestal de l'idole informe et sanguinaire. Le peuple qui n'obéirait pas à ses propres instincts de rampement et ferait mine de révolte, disparaîtrait tôt ou tard de la terre, comme la feuille d'automne, anéantie par la vengeance du dieu inexorable. Au pou, à la prunelle recroquevillée, tant que les fleuves répandront la pente de leurs eaux dans les abîmes de la mer, tant que les astres graviteront sur les sentiers de leur orbite, tant que le vide muet n'aura pas d'horizon, tant que l'humanité déchirera ses propres flancs par des guerres funestes, tant que la justice divine précipitera ses foudres vengeresses sur ce globe égoïste, tant que l'homme méconnaîtra son créateur et se narguera de lui, non sans raison, en y mêlant du mépris, ton règne sera assuré sur l'univers et ta dynastie étendra ses anneaux de siècle en siècle. Je te salue, soleil levant, libérateur céleste, toi l'ennemi invisible de l'homme. Continue de dire à la saleté de s'unir avec lui dans des embrassements impurs et de lui jurer par des serments, non écrits dans la poudre, qu'elle restera son amante fidèle jusqu'à l'éternité. Baise de temps en temps la robe de cette grande impudique en mémoire des services importants qu'elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l'homme avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister, toi le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent. Ô fils de la saleté, dis à ta mère que si elle délaisse la couche de l'homme, marchant à travers des routes solitaires, seule et sans appui, elle verra son existence compromise. Que ses entrailles qui t'ont porté 9 mois dans leurs parois parfumées s'émeuvent un instant à la pensée des dangers que courraient, par suite, leurs tendres fruits, si gentils et si tranquilles, mais déjà froids et féroces. Saleté, reine des empires, conserve aux yeux de ma haine le spectacle de l'accroissement insensible des muscles de ta progéniture affamée. Pour atteindre ce but, tu sais que tu n'as qu'à te coller plus étroitement contre les flancs de l'homme. Tu peux le faire, sans inconvénient pour la pudeur, puisque tous les deux vous êtes mariés depuis longtemps. Pour moi, s'il m'est permis d'ajouter quelques mots à cet hymne de glorification, je dirai que j'ai fait construire une fosse de 40 lieues carrées et d'une profondeur relative. C'est là que gît, dans sa virginité immonde, une mienne vivante de poux. Elle remplit les bas-fonds de la fosse et serpente ensuite en larges veines denses dans toutes les directions. Voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'arrachai un pou femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu se coucher avec lui pendant 3 nuits consécutives et je le jetai dans la fosse. La fécondation humaine, qui aurait été nulle dans d'autres cas pareils, fut acceptée cette fois par la fatalité. Et au bout de quelques jours, des milliers de monstres, grouillant dans un nœud compact de matière, naquirent à la lumière. Ce nœud hideux devint, par le temps, de plus en plus immense, tout en acquérant la propriété liquide du mercure, et se ramifia en plusieurs branches, qui se nourrissent actuellement en se dévorant elles-mêmes. La naissance est plus grande que la mortalité. Toutes les fois que je ne leur jette pas en pâture un bâtard qui vient de naître et dont la mère désirait la mort, ou un bras que je vais couper à quelques jeunes filles pendant la nuit grâce au chloroforme. Tous les 15 ans, les générations de poux qui se nourrissent de l'homme diminuent d'une manière notable et prédisent elles-mêmes infailliblement l'époque prochaine de leur complète destruction. Car l'homme, plus intelligent que son ennemi, parvient à le vaincre. Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j'extrais de cette mine inépuisable des blocs de poux, grands comme des montagnes, je les brise à coups de hache, et je les transporte, pendant les nuits profondes, dans les artères des cités. Là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation dans la galerie tortueuse de la mine souterraine, se creusent un lit dans le gravier, et se répandent en ruisseaux dans les habitations comme des esprits nuisibles. Le gardien de la maison aboie sourdement, car il lui semble qu'une légion d'êtres inconnus perce les pores des murs et apporte la terreur au chevet du sommeil. Peut-être n'êtes-vous pas sans avoir entendu, au moins une fois dans votre vie, ces sortes d'aboiements douloureux et prolongés. Avec ses yeux impuissants, il tâche de percer l'obscurité de la nuit, car son cerveau de chien ne comprend pas cela. Ce bourdonnement l'irrite et il sent qu'il est trahi. Des millions d'ennemis s'abattent ainsi sur chaque cité comme des nuages de sauterelles. Et voilà pour 15 ans. Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures cuisantes. Après ce laps de temps, j'en enverrai d'autres. Quand je concasse les blocs de matière animée, il peut arriver qu'un fragment soit plus dense qu'un autre. Ces atomes s'efforcent avec rage de séparer leur agglomération pour aller tourmenter l'humanité. Mais la cohésion résiste dans sa dureté. Par une suprême convulsion, ils engendrent un tel effort que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants, s'élance d'elle-même jusqu'au haut des airs, comme par un effet de la poudre, et retombe en s'enfonçant solidement sous le sol. Parfois, le paysan rêveur aperçoit un aérolithe fendre verticalement l'espace en se dirigeant du côté du bas vers un champ de maïs. Il ne sait d'où vient la pierre. Vous avez maintenant, claire et succincte, l'explication du phénomène. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle! Moi, avec des ailes d'ange, immobile dans les airs, pour le contempler. Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié, depuis que vos savantes leçons, plus douce que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. J'aspirais instinctivement, dès le berceau, à boire à votre source, plus ancienne que le soleil, et je continue encore de fouler le parvis sacré de votre temple solennel, moi le plus fidèle de vos initiés. Il y avait du vague dans mon esprit, un je ne sais quoi épais comme de la fumée, mais je sus franchir religieusement les degrés qui mènent à votre autel, et vous avez chassé ce voile obscur comme le vent chasse le damier. Vous avez mis à la place une froideur excessive, une prudence consommée et une logique implacable. À l'aide de votre lait fortifiant, mon intelligence s'est rapidement développée et a pris des proportions immenses, au milieu de cette clarté ravissante dont vous faites présent avec prodigalité à ceux qui vous aiment d'un sincère amour. Arithmétique, algèbre, géométrie, trinité grandiose, triangle lumineux. Celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices, car il y a du mépris aveugle dans son insouciance ignorante. Mais celui qui vous connaît et vous apprécie ne veut plus rien des biens de la terre, se contente de vos jouissances magiques, et porté sur vos ailes sombres, ne désire plus que de s'élever, d'un vol léger, en construisant une hélice ascendante vers la voûte sphérique des cieux. La terre ne lui montre que des illusions et des fantasmagories morales, mais vous, ô mathématiques concises, par l'enchaînement rigoureux de vos propositions tenaces et la constance de vos lois de fer, vous faites luire, aux yeux éblouis, un reflet puissant de cette vérité suprême dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers. Mais l'ordre qui vous entoure, représenté surtout par la régularité parfaite du carré, l'ami de Pythagore, est encore plus grand, car le Tout-Puissant s'est révélé complètement, lui et ses attributs, dans ce travail mémorable qui consista à faire sortir, des entrailles du chaos, aux trésors de théorèmes et vos magnifiques splendeurs. Aux époques antiques et dans les temps modernes, plus d'une grande imagination humaine vit son génie, épouvanté, à la contemplation de vos figures symboliques tracées sur le papier brûlant, comme autant de signes mystérieux, vivant d'une haleine latente, que ne comprend pas le vulgaire profane et qui n'était que la révélation éclatante d'axiomes et d'hiéroglyphes éternels qui ont existé avant l'univers et qui se maintiendront après lui. Elle se demande, penchée vers le précipice d'un point d'interrogation fatal, comment se fait-il que les mathématiques contiennent tant d'imposantes grandeurs et tant de vérités incontestables, tandis que si elle les compare à l'homme, elle ne trouve en ce dernier que faux orgueil et mensonge. Alors cet esprit supérieur, attristé, auquel la familiarité noble de vos conseils fait sentir davantage la petitesse de l'humanité et son incomparable folie, plonge sa tête, blanchie, sur une main décharnée et reste absorbée dans des méditations surnaturelles. Il incline ses genoux devant vous, et sa vénération rend hommage à votre visage divin, comme à la propre image du Tout-Puissant. Pendant mon enfance, vous m'apparûtes une nuit de mai au rayon de la lune, sur une prairie verdoyante, au bord d'un ruisseau limpide, toutes les trois égales en grâce et en pudeur, toutes les trois pleines de majesté comme des reines. Vous fîtes quelques pas vers moi, avec votre longue robe, flottante comme une vapeur, et vous m'attirâtes vers vos fières mamelles, comme un fils béni. Alors j'accourus avec empressement, mes mains crispées sur votre blanche gorge. Je me suis nourri avec reconnaissance de votre manne féconde, et j'ai senti que l'humanité grandissait en moi et devenait meilleure. Depuis ce temps, ô déesse rivale, je ne vous ai pas abandonné. Depuis ce temps, que de projets énergiques, que de sympathies que je croyais avoir gravées sur les pages de mon cœur, comme sur du marbre, n'ont-elles pas effacé lentement, de ma raison désabusée, leurs lignes configuratives, comme l'aube naissante efface les ombres de la nuit. Depuis ce temps, j'ai vu la mort, dont l'intention, visible à l'œil nu, de peupler les tombeaux, ravager les champs de bataille, engraissés par le sang humain, et faire pousser des fleurs matinales par-dessus les funèbres ossements. Depuis ce temps, j'ai assisté aux révolutions de notre globe, les tremblements de terre, les volcans avec leurs laves embrasées, le simoun du désert et les naufrages de la tempête ont eu ma présence pour spectateur impassible. Depuis ce temps, j'ai vu plusieurs générations humaines élever, le matin, ses ailes et ses yeux vers l'espace, avec la joie inexpériente de la chrysalide qui salue sa dernière métamorphose, et mourir le soir avant le coucher du soleil, la tête courbée, comme des fleurs fanées que balance le sifflement plaintif du vent. Mais vous, vous restez toujours les mêmes. Aucun changement. Aucun air empesté n'effleure les rocs escarpés et les vallées immenses de votre identité. Vos pyramides modestes dureront davantage que les pyramides d'Égypte, fourmilières élevées par la stupidité et l'esclavage. La fin des siècles verra encore, debout sur les ruines des temps, vos chiffres cabalistiques, vos équations laconiques et vos lignes sculpturales siégées à la droite vengeresse du Tout-Puissant, tandis que les étoiles s'enfonceront, avec désespoir, comme des trombes, dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle, et que l'humanité grimaçante songera à faire ses comptes avec le jugement dernier. Merci pour les services innombrables que vous m'avez rendus. Merci pour les qualités étrangères dont vous avez enrichi mon intelligence. Sans vous, dans ma lutte contre l'homme, j'aurais peut-être été vaincu. Sans vous, il m'aurait fait rouler dans le sable et embrasser la poussière de ses pieds. Sans vous, avec une griffe perfide, il aurait labouré ma chair et mes os. Mais je me suis tenu sur mes gardes comme un athlète expérimenté. Vous me donnâtes la froideur qui surgit de vos conceptions sublimes, exemptes de passion. Je m'en servis pour rejeter avec dédain les jouissances éphémères de mon court voyage et pour renvoyer de ma porte les offres sympathiques, mais trompeuses, de mes semblables. Vous me donnâtes la prudence opiniâtre qu'on déchiffre à chaque pas dans vos méthodes admirables de l'analyse, de la synthèse et de la déduction. Je m'en servis pour dérouter les ruses pernicieuses de mon ennemi mortel, pour l'attaquer, à mon tour, avec adresse, et plonger dans les viscères de l'homme un poignard aigu qui restera jamais enfoncé dans son corps. Car c'est une blessure dont il ne se relèvera pas. Vous me donnâtes la logique, qui est comme l'âme elle-même de vos enseignements, plein de sagesse, avec ses syllogismes, dont le labyrinthe compliqué n'en est que plus compréhensible, mon intelligence sentit s'accroître du double ses forces audacieuses. À l'aide de cet auxiliaire terrible, je découvris dans l'humanité, en nageant vers les bas-fonds, en face de l'écueil de la haine, la méchanceté noire et hideuse qui croupissait au milieu de miasmes délétères en s'admirant le nombril. Le premier, je découvris dans les ténèbres de ses entrailles ce vice néfaste, le mal, supérieur en lui au bien. Avec cette arme empoisonnée que vous me prêtâtes, je fis descendre de son piédestal, construit par la lâcheté de l'homme, le Créateur lui-même. Il grinça des dents et subit cette injure ignominieuse, car il avait pour adversaire quelqu'un de plus fort que lui. Mais je laisserai de côté, comme un paquet de ficelles, afin d'abaisser mon vol. Le penseur Descartes faisait, une fois, cette réflexion que rien de solide n'avait été bâti sur vous. C'était une manière ingénieuse de faire comprendre que le premier venu ne pouvait pas sur le coup découvrir votre valeur inestimable. En effet, quoi de plus solide que les trois qualités principales déjà nommées qui s'élèvent, entrelacées comme une couronne unique, sur le sommet auguste de votre architecture colossale. Monument qui grandit sans cesse de découvertes quotidiennes, dans vos mines de diamants, et d'explorations scientifiques, dans vos superbes domaines. Ô mathématique sainte, puissiez-vous, par votre commerce perpétuel, consoler le reste de mes jours de la méchanceté de l'homme et de l'injustice du grand tout. Ô lampe au bec d'argent, mes yeux t'aperçoivent dans les airs, compagne de la voûte des cathédrales, et cherche la raison de cette suspension. On dit que tes lueurs éclairent pendant la nuit la tourbe de ceux qui viennent adorer le Tout-Puissant, et que tu montres aux repentis le chemin qui mène à l'autel. Écoute, c'est fort possible, mais est-ce que tu as besoin de rendre de pareils services à ceux auxquels tu ne dois rien? Laisse plonger dans les ténèbres les colonnes des basiliques, et lorsqu'une bouffée de la tempête sur laquelle le démon tourbillonne, emportée dans l'espace, pénétrera avec lui dans le saint lieu, en y répandant l'effroi, au lieu de lutter courageusement contre la rafale empestée du prince du mal, éteins-toi subitement, sous son souffle fiévreux, pour qu'il puisse, sans qu'on le voie, choisir ses victimes parmi les croyants agenouillés. Si tu fais cela, tu peux dire que je te devrai tout mon bonheur. Quand tu reluis ainsi, en répandant tes clartés indécises, mais suffisantes, je n'ose pas me livrer aux suggestions de mon caractère, et je reste sous le portique sacré, en regardant par le portail entrouvert ceux qui échappent à ma vengeance dans le sein du Seigneur. Ô lampe poétique! Toi qui serais mon ami si tu pouvais me comprendre, quand mes pieds foulent le basalte des églises, dans les heures nocturnes, pourquoi te mets-tu à briller d'une manière qui, je l'avoue, me paraît extraordinaire? Tes reflets se colorent alors des nuances blanches de la lumière électrique. L'œil ne peut pas te fixer, et tu éclaires d'une flamme nouvelle et puissante les moindres détails du chenil du Créateur, comme si tu étais en proie à une sainte colère. Et quand je me retire après avoir blasphémé, tu redeviens inaperçu, modeste et pâle, sûr d'avoir accompli un acte de justice. Dis-moi un peu, Serait-ce parce que tu connais les détours de mon cœur, que lorsqu'il m'arrive d'apparaître où tu veilles, tu t'empresses de désigner ma présence pernicieuse et de porter l'attention des adorateurs vers le côté où vient de se montrer l'ennemi des hommes? Je penche vers cette opinion, car moi aussi je commence à te connaître, et je sais qui tu es, vieille sorcière, qui veille si bien sur les mosquées sacrées, où se pavane comme la crête d'un coq, ton maître curieux. Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle. Je t'avertis, la première fois que tu me désigneras la prudence de mes semblables, par l'augmentation de tes lueurs phosphorescentes, comme je n'aime pas ce phénomène d'optique, qui n'est mentionné du reste dans aucun livre de physique, je te prends par la peau de ta poitrine, en accrochant mes griffes aux escarres de ta nuque teigneuse, et je te jette dans la Seine. Je ne prétends pas que lorsque je ne te fais rien, tu te comportes sciemment d'une manière qui me soit nuisible. Là, je te permettrai de briller autant qu'elle me sera agréable. Là, tu me nargueras avec un sourire inextinguible. Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu l'urineras avec amertume. Après avoir parlé ainsi, Maldoror ne sort pas du temple et reste les yeux fixés sur la lampe du Saint-Lieu. Il croit voir une espèce de provocation dans l'attitude de cette lampe qui l'irrite au plus haut degré par sa présence inopportune. Il se dit que si quelque âme est renfermée dans cette lampe, elle est lâche de ne pas répondre à une attaque loyale par la sincérité. Il bat l'air de ses bras nerveux et souhaiterait que la lampe se transformât en homme. Il lui ferait passer un mauvais quart d'heure, il se le promet. Mais le moyen qu'une lampe se change en homme, ce n'est pas naturel. Il ne se résigne pas et va chercher sur le parvis de la misérable pagode un caillou plat à tranchant effilé. Il le lance en l'air avec force. La chaîne est coupée par le milieu, comme l'herbe par la faux, et l'instrument du culte tombe à terre, en répandant son huile sur les dalles. Il saisit la lampe pour la porter dehors, mais elle résiste et grandit. Il lui semble voir des ailes sur ses flancs, et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange. Le tout veut s'élever en l'air pour prendre son essor, mais il le retient d'une main ferme. Une lampe et un ange qui forment un même corps, voilà ce que l'on ne voit pas souvent. Il reconnaît la forme de la lampe, il reconnaît la forme de l'ange, mais il ne peut pas les scinder dans son esprit. En effet, dans la réalité, elles sont collées l'une dans l'autre et ne forment qu'un corps indépendant et libre. Mais lui croit que quelque nuage a voilé ses yeux et lui a fait perdre un peu de l'excellence de sa vue. Néanmoins, il se prépare à la lutte avec courage, car son adversaire n'a pas peur. Les gens naïfs racontent, à ceux qui veulent les croire, que le portail sacré se referma de lui-même en roulant sur ses gonds affligés, pour que personne ne pût assister à cette lutte impie dont les péripéties allaient se dérouler dans l'enceinte du sanctuaire violé. L'homme au manteau, pendant qu'il reçoit des blessures cruelles avec un glaive invisible, s'efforce de rapprocher de sa bouche la figure de l'ange. Il ne pense qu'à cela, et tous ses efforts se portent vers ce but. Celui-ci perd son énergie et paraît pressentir sa destinée. Il ne lutte plus que faiblement, et l'on voit le moment où son adversaire pourra l'embrasser à son aise, si c'est ce qu'il veut faire. Eh bien, le moment est venu. Avec ses muscles, il étrangle la gorge de l'ange, qui ne peut plus respirer, et lui renverse le visage en l'appuyant sur sa poitrine odieuse. Il est un instant touché du sort qui attend cet être céleste, dont il aurait volontiers fait son ami. Mais il se dit que c'est l'envoyé du Seigneur, et il ne peut pas retenir son courroux. C'en est fait, quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps. Il se penche et porte la langue imbibée de salive sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa langue sur cette joue. Oh, voyez, voyez donc! La joue blanche et rose est devenue noire comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides. C'est la gangrène. Il n'est plus permis d'en douter. Le mâle rongeur s'étend sur toute la figure et de là exerce ses furies sur les parties basses. Bientôt, tout le corps n'est qu'une vaste plaie immonde. Lui-même, épouvanté, car il ne croyait pas que sa langue contenait un poison d'une telle violence, il ramasse la lampe et s'enfuit de l'église. Une fois dehors, il aperçoit dans les airs une forme noirâtre, aux ailes brûlées, qui dirige péniblement son vol vers les régions du ciel. Ils se regardent tous les deux, pendant que l'ange monte vers les hauteurs sereines du bien, et que lui, mâle d'aurore, au contraire, descend vers les abîmes vertigineux du mal. Quel regard! Tout ce que l'humanité a pensé depuis 60 siècles, et ce qu'elle pensera encore pendant les siècles suivants, pourra y contenir aisément tant de choses se dirent-ils dans cet adieu suprême. Mais on comprend que c'étaient des pensées plus élevées que celles qui jaillissent de l'intelligence humaine, d'abord à cause des deux personnages, et puis à cause de la circonstance. Ce regard les noua d'une amitié éternelle. Il s'étonne que le Créateur puisse avoir des missionnaires d'une âme si noble. Un instant, il croit s'être trompé, et se demande s'il aurait dû suivre la route du mal comme il l'a fait. Le trouble est passé. Il persévère dans sa résolution, et il est glorieux d'après lui de vaincre tôt ou tard le grand tout, afin de régner à sa place sur l'univers entier, et sur des légions d'anges aussi beaux. Celui-ci lui fait comprendre, sans parler, qu'il reprendra sa forme primitive à mesure qu'elle montera vers le ciel. Laisse tomber une larme, qui rafraîchit le front de celui qui lui a donné la gangrène, et disparaît peu à peu, comme un vautour en s'élevant au milieu des nuages. Le coupable regarde la lampe, cause de ce qui précède. Il court comme un insensé à travers les rues, se dirige vers la Seine et lance la lampe par-dessus le parquet. Elle tourbillonne pendant quelques instants et s'enfonce définitivement dans les eaux bourbeuses. Depuis ce jour, chaque soir, dès la tombée de la nuit, l'on voit une lampe brillante qui surgit et se maintient, gracieusement, sur la surface du fleuve, à la hauteur du pont Napoléon, en portant au lieu d'anse deux mignonnes ailes d'ange. Elle s'avance lentement sur les eaux, passe sous les arches du pont de la gare et du pont d'Austerlitz, et continue son sillage silencieux sur la Seine jusqu'au pont de l'Alma. Une fois en cet endroit, elle remonte avec facilité le cours de la rivière et revient au bout de 4 heures à son point de départ. Ainsi de suite, pendant toute la nuit. Ses lueurs, blanches comme la lumière électrique, effacent les becs de gaz qui longent les deux rives et entre lesquels elle s'avance comme une reine, solitaire, impénétrable, avec un sourire inextinguible, sans que son huile se répande avec amertume. Au commencement, les bateaux lui faisaient la chasse, mais elle déjouait ses vains efforts, échappait à toutes les poursuites en plongeant comme une coquette et reparaissait plus loin à une grande distance. Maintenant, les marins superstitieux, lorsqu'ils la voient, rament vers une direction opposée et retiennent leur chanson. Quand vous passez sur un pont pendant la nuit, faites bien attention, vous êtes sûr de voir briller la lampe ici ou là. Mais on dit qu'elle ne se montre pas à tout le monde. Quand il passe sur les ponts un être humain qui a quelque chose sur la conscience, elle éteint subitement ses reflets. Et le passant, épouvanté, fouille en vain de regard désespéré la surface et le limon du fleuve. Il sait ce que cela signifie. Il voudrait croire qu'il a vu la céleste lueur, mais il se dit que la lumière venait du devant des bateaux ou de la réflexion des becs de gaz, et il a raison. Il sait que cette disparition, c'est lui qui en est la cause. Et plongé dans de tristes réflexions, il hâte le pas pour gagner sa demeure. Alors la lampe au bec d'argent reparaît à la surface et poursuit sa marche à travers des arabesques élégantes et capricieuses. Écoutez les pensées de mon enfance quand je me réveillais humain à la verge rouge. Je viens de me réveiller, mais ma pensée est encore engourdie. Chaque matin, je ressens un poids dans la tête. Il est rare que je trouve le repos dans la nuit, car des rêves affreux me tourmentent quand je parviens à m'endormir. Le jour, ma pensée se fatigue dans des méditations bizarres, pendant que mes yeux errent au hasard dans l'espace. Et la nuit, je ne peux pas dormir. Quand faut-il alors que je dorme? Cependant, la nature a besoin de réclamer ses droits. Comme je la dédaigne, elle rend ma figure pâle et fait luire mes yeux avec la flamme aigre de la fièvre. Au reste, je ne demanderais pas mieux que de ne pas épuiser mon esprit à réfléchir continuellement. Mais quand même, je ne le voudrais pas, mes sentiments consternés m'entraînent invinciblement vers cette pente. Je me suis aperçu que les autres enfants sont comme moi. Mais ils sont plus pâles encore, et leurs sourcils sont froncés, comme ceux des hommes, nos frères aînés. Ô Créateur de l'univers, je ne manquerai pas ce matin de t'offrir l'encens de ma prière enfantine. Quelquefois je l'oublie, et j'ai remarqué que ces jours-là, je me sens plus heureux qu'à l'ordinaire. Ma poitrine s'épanouit, libre de toute contrainte, et je respire plus à l'aise l'air embaumé des champs. Tandis que lorsque j'accomplis le pénible devoir, ordonné par mes parents, de t'adresser quotidiennement un cantique de louange, accompagné de l'ennui inséparable que me cause sa laborieuse invention, alors je suis triste et irrité, le reste de la journée, parce qu'il ne me semble pas logique et naturel de dire ce que je ne pense pas, et je recherche le recul des immenses solitudes. Si je leur demande l'explication de cet état étrange de mon âme, elles ne me répondent pas. Je voudrais t'aimer et t'adorer, mais tu es trop puissant, et il y a de la crainte dans mes hymnes. Si par une seule manifestation de ta pensée, tu peux détruire ou créer des mondes, mes faibles prières ne te seront pas utiles. Si, quand il te plaît, tu envoies le choléra ravager les cités ou la mort emporter dans ses serres sans aucune distinction les quatre âges de la vie, je ne veux pas me lier avec un ami si redoutable. Non pas que la haine conduise le fil de mes raisonnements, mais j'ai peur au contraire de ta propre haine, qui par un ordre capricieux peut sortir de ton cœur et devenir immense comme l'envergure du condor des Andes. Tes amusements équivoques ne sont pas à ma portée, et j'en serai probablement la première victime. Tu es le Tout-Puissant. Je ne te conteste pas ce titre, puisque toi seul as le droit de le porter, et que tes désirs, aux conséquences funestes ou heureuses, n'ont de terme que toi-même. Voilà précisément pourquoi il me serait douloureux de marcher à côté de ta cruelle tunique de saphir, non pas comme ton esclave, mais pouvant l'être d'un moment à l'autre. Il est vrai que lorsque tu descends en toi-même pour scruter ta conduite souveraine, c'est le fantôme d'une injustice passée, commise envers cette malheureuse humanité qui t'a toujours obéi comme ton ami le plus fidèle, dresse devant toi les vertèbres immobiles d'une épine dorsale vengeresse. Ton œil hagard laisse tomber la larme épouvantée du remords tardif, et qu'alors, les cheveux hérissés, tu crois toi-même prendre sincèrement la résolution de suspendre, à jamais, aux broussailles du néant, les jeux inconcevables de ton imagination de tigre, qui seraient burlesques si elles n'étaient pas lamentables. Mais je sais aussi que la constance n'a pas fixé dans tes os, comme une moelle tenace, le harpon de sa demeure éternelle, et que tu retombes assez souvent, toi et tes pensées, recouvertes de la lèpre noire de l'erreur, dans le lac funèbre des sombres malédictions. Je veux croire que celles-ci sont inconscientes, quoiqu'elles n'en renferment pas moins leur venin fatal, et que le mal et le bien, unis ensemble, se répandent en bonds impétueux de ta royale poitrine gangrénée, comme le torrent du rocher, par le charme secret d'une force aveugle. Mais rien ne m'en fournit la preuve. J'ai vu, trop souvent, tes dents immondes claquées de rage et ton auguste face recouverte de la mousse d'étain, rougir comme un charbon ardent à cause de quelques futilités microscopiques que les hommes avaient commises pour pouvoir m'arrêter plus longtemps devant le poteau indicateur de cette hypothèse bonasse. Chaque jour, les mains jointes, j'élèverai vers toi les accents de mon humble prière, puisqu'il le faut. Mais je t'en supplie que ta providence ne pense pas à moi. Laisse-moi de côté, comme le vermisseau qui rampe sous la terre. Sache que je préférerais me nourrir avidement des plantes marines d'îles inconnues et sauvages, que les vagues tropicales entraînent au milieu de ces parages, dans leurs seins écumeux, que de savoir que tu m'observes et que tu portes dans ma conscience ton scalpel qui ricane. Elle vient de te révéler la totalité de mes pensées, et j'espère que ta prudence applaudira facilement au bon sens dont elle garde l'ineffaçable empreinte. À part ces réserves faites sur le genre de relation plus ou moins intime que je dois garder avec toi, ma bouche est prête, à n'importe quelle heure du jour, à exhaler comme un souffle artificiel le flot de mensonges que ta gloriole exige sévèrement de chaque humain, dès que l'aurore s'élève bleuâtre, cherchant la lumière dans les replis de satin du crépuscule, comme moi je recherche la bonté, excité par l'amour du bien. Mes années ne sont pas nombreuses, et cependant je sens déjà que la bonté n'est qu'un assemblage de syllabes sonores. Je ne l'ai trouvée nulle part. Tu laisses trop percer ton caractère, il faudrait le cacher avec plus d'adresse. Au reste, peut-être que je me trompe et que tu fais exprès, car tu sais mieux qu'un autre comment tu dois te conduire. Les hommes, eux, mettent leur gloire à t'imiter. C'est pourquoi la bonté sainte ne reconnaît pas son tabernacle dans leurs yeux farouches. Tel père, tel fils. Quoi qu'on doive penser de ton intelligence, je n'en parle que comme un critique impartial. Je ne demande pas mieux que d'avoir été induit en erreur. Je ne désire pas te montrer la haine que je te porte et que je couve avec amour, comme une fille chérie, car il vaut mieux la cacher à tes yeux et prendre seulement devant toi l'aspect d'un censeur sévère, chargé de contrôler tes actes impurs. Tu cesseras ainsi tout commerce actif avec elle, tu l'oublieras et tu détruiras complètement cette punaise avide qui ronge ton foie. Je préfère plutôt te faire entendre des paroles de rêverie et de douceur. Oui, c'est toi qui as créé le monde et tout ce qu'il renferme. Tu es parfait. Aucune vertu ne te manque. Tu es très puissant, chacun le sait. Que l'univers entier entonne à chaque heure du temps ton cantique éternel. Les oiseaux te bénissent en prenant leur essor dans la campagne. Les étoiles t'appartiennent, ainsi soit-il. Après ces commencements, étonnez-vous de me trouver tel que je suis. Je cherchais une âme qui me ressemblât, et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la terre. Ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seul. Il fallait que quelqu'un approuvât mon caractère. Il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. C'était le matin. Le soleil se leva à l'horizon, dans toute sa magnificence. Et voilà qu'à mes yeux se lève aussi un jeune homme, dont la présence engendrait des fleurs sur son passage. Il s'approcha de moi, et me tendant la main. « Je suis venu vers toi. » Toi qui me cherches, bénissons ce jour heureux. Mais moi, va-t'en, je ne t'ai pas appelé, je n'ai pas besoin de ton amitié. C'était le soir, la nuit commençait à étendre la noirceur de son voile sur la nature. Une belle femme, que je ne faisais que distinguer, étendait aussi sur moi son influence enchanteresse et me regardait avec compassion. Cependant, elle n'osait me parler. Je dis, « Approche-toi de moi, afin que je distingue nettement les traits de ton visage, car la lumière des étoiles n'est pas assez forte pour les éclairer à cette distance. » Alors, avec une démarche modeste et les yeux baissés, elle foula l'herbe du gazon en se dirigeant de mon côté. Dès que je la vis, je vois que la bonté et la justice ont fait résidence dans ton cœur. Nous ne pourrions pas vivre ensemble. Maintenant, tu admires ma beauté, qui a bouleversé plus d'une. Mais tôt ou tard, tu te repentirais de m'avoir consacré ton amour, car tu ne connais pas mon âme. Non que je te sois jamais infidèle. Celle qui se livre à moi avec tant d'abandon et de confiance, avec autant de confiance et d'abandon, je me livre à elle. Mais mets-le dans la tête pour ne jamais l'oublier. Les loups et les agneaux ne se regardent pas avec des yeux doux. Que me fallait-il donc à moi qui rejetais avec tant de dégoût ce qu'il y avait de plus beau dans l'humanité? Ce qu'il me fallait, je n'aurais pas su le dire. Je n'étais pas encore habitué à me rendre un compte rigoureux des phénomènes de mon esprit au moyen des méthodes que recommande la philosophie. Je m'assis sur un roc près de la mer. Un navire venait de mettre toute voile pour s'éloigner de ce parage. Un point imperceptible venait de paraître à l'horizon et s'approchait peu à peu, poussé par la rafale, en grandissant avec rapidité. La tempête allait commencer ses attaques, et déjà le ciel s'obscurcissait, en devenant de noir presque aussi hideux que le cœur de l'homme. Le navire, qui était un grand vaisseau de guerre, venait de jeter toutes ses ancres pour ne pas être balayé sur les rochers de la côte. Le vent sifflait avec fureur des quatre points cardinaux et mettait les voiles en charpie. Les coups de tonnerre éclataient au milieu des éclairs et ne pouvaient surpasser le bruit des lamentations qui s'entendaient sur la maison sans base, sépulcre mouvant. Le roulis de ces masses aqueuses n'était pas parvenu à rompre les chaînes des ancres, mais leur secousse avait entr'ouvert une voie d'eau sur les flancs du navire. Brèche énorme, car les pompes ne suffisaient pas à rejeter les paquets d'eau salée qui viennent, en écumant, s'abattre sur le pont comme des montagnes. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Celui qui n'a pas vu un vaisseau sombrer au milieu de l'ouragan, de l'intermittence des éclairs et de l'obscurité la plus profonde, pendant que ceux qu'il contient sont accablés de ce désespoir que vous savez, celui-là ne connaît pas les accidents de la vie. Enfin, il s'échappe un cri universel de douleur immense d'entre les flancs du vaisseau, tandis que la mer redouble ses attaques redoutables. C'est le cri qu'a fait pousser l'abandon des forces humaines. Chacun s'enveloppe dans le manteau de la résignation et remet son sort entre les mains de Dieu. On s'accule comme un troupeau de moutons. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Ils ont fait jouer les pompes pendant tout le jour, effort inutile. La nuit est venue, épaisse, implacable, pour mettre le comble à ce spectacle gracieux. Chacun se dit qu'une fois dans l'eau, il ne pourra plus respirer, car d'aussi loin qu'il fait revenir sa mémoire, il ne se reconnaît aucun poisson pour ancêtre. Mais il s'exhorte à retenir son souffle le plus longtemps possible, afin de prolonger sa vie de 2 ou 3 secondes. C'est là l'ironie vengeresse qu'il veut adresser à la mort. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme. Mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Il ne sait pas que le vaisseau, en s'enfonçant, occasionne une puissante circonvolution des houles autour d'elle-même, que le limon bourbeux s'est mêlé aux eaux troublées, et qu'une force qui vient de dessous, contre-coup de la tempête qui exerce ses ravages en haut, imprime à l'élément des mouvements saccadés et nerveux. Ainsi, malgré la provision de sang-froid qu'il ramasse d'avance, le futur noyé, après réflexion plus ample, devra se sentir heureux s'il prolonge sa vie dans les tourbillons de l'abîme de la moitié d'une respiration ordinaire afin de faire bonne mesure. Il lui sera donc impossible de narguer la mort, son suprême vœu. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme. Mais il sombre avec lenteur, avec majesté. C'est une erreur. Il ne tire plus des coups de canon, il ne sombre pas. La coquille de noix s'est engouffrée complètement. Ô ciel, comment peut-on vivre après avoir éprouvé tant de volupté? Il venait de m'être donné des témoins des agonies de mort de plusieurs de mes semblables. Minute par minute, je suivais les péripéties de leurs angoisses. Tantôt le beuglement de quelques vieilles, devenues folles de peur, faisait prime sur le marché. Tantôt le seul glapissement d'un enfant en mamelle empêchait d'entendre le commandement des manœuvres. Le vaisseau était trop loin pour percevoir distinctement les gémissements que m'apportait la rafale. Mais je les rapprochais par la volonté, et l'illusion d'optique était complète. Chaque quart d'heure, quand un coup de vent plus fort que les autres, rendant ses accents lugubres à travers le cri des pétrels effarés, disloquait le navire dans un craquement longitudinal et augmentait les plaintes de ceux qui allaient être offerts en holocauste à la mort, je m'enfonçais dans la joue la pointe aiguë d'un fer, et je pensais secrètement « Il souffre davantage ». J'avais, au moins, ainsi, un terme de comparaison. Du rivage, je les apostrophais en leur lançant des imprécations et des menaces. Il me semblait qu'ils devaient m'entendre. Il me semblait que ma haine et mes paroles, franchissant la distance, anéantissaient les lois physiques du son et parvenaient distinctes à leurs oreilles, assourdies par les mugissements de l'océan en courroux. Il me semblait qu'ils devaient penser à moi et exhaler leur vengeance en impuissante rage. De temps à autre, je jetais les yeux vers les cités, endormies sur la terre ferme, et voyant que personne ne se doutait qu'un vaisseau allait sombrer à quelques milles du rivage, avec une couronne d'oiseaux de proie et un piédestal de géants aquatiques, au ventre vide, je reprenais courage et l'espérance me revenait. J'étais donc sûr de leur perte. Ils ne pouvaient échapper. Par surcroît de précaution, j'avais été chercher mon fusil à deux coups, afin que si quelque naufragé était tenté d'aborder les rochers à la nage, pour échapper à une mort imminente, une balle sur l'épaule lui fracassa le bras et l'empêcha d'accomplir son dessein. Au moment le plus furieux de la tempête, je vis, surnageant sur les eaux, avec des efforts désespérés, une tête énergique aux cheveux hérissés. Il avalait des litres d'eau et s'enfonçait dans l'abîme, ballotté comme un liège. Mais bientôt, il apparaissait de nouveau, les cheveux ruisselants, et fixant l'œil sur le rivage, il semblait défier la mort. Il était admirable de sang-froid. Une large blessure sanglante, occasionnée par quelques pointes d'écueil cachées, balafrait son visage intrépide et noble. Il ne devait pas avoir plus de 16 ans, car à peine à travers les éclairs qui illuminaient la nuit, le duvet de la pêche s'apercevait sur sa lèvre. Et maintenant, il n'était plus qu'à 200 mètres de la falaise, et je le dévisageais facilement. Quel courage! Quel esprit indomptable! Comme la fixité de sa tête semblait narguer le destin, tout en fendant avec vigueur l'onde, dont les sillons s'ouvraient difficilement devant lui. Je l'avais décidé d'avance. Je me devais à moi-même de tenir ma promesse. L'heure dernière avait sonné pour tous. Aucun ne devait en échapper. Voilà ma résolution. Rien ne le changerait. Un son sec s'entendit, et la tête aussitôt s'enfonça pour ne plus reparaître. Je ne pris pas à ce meurtre autant de plaisir qu'on pourrait le croire. Et c'était précisément parce que j'étais rassasié de toujours tuer que je le faisais dorénavant par simple habitude, dont on ne peut se passer, mais qui ne procure qu'une jouissance légère. Le sang s'est émoussé, endurci. Quelle volupté ressentir à la mort de cet être humain, quand il y en avait plus d'une centaine qui allaient s'offrir à moi, en spectacle, dans leur lutte dernière contre les flots, une fois le navire submergé. À cette mort, je n'avais même pas l'attrait du danger, car la justice humaine, bercée par l'ouragan de cette nuit affreuse, sommeillait dans les maisons, à quelques pas de moi. Aujourd'hui que les années pèsent sur mon corps, je le dis avec sincérité, comme une vérité suprême et solennelle. Je n'étais pas aussi cruel qu'on l'a raconté ensuite, parmi les hommes, mais des fois, leur méchanceté exerçait ses ravages persévérants pendant des années entières. Alors je ne connaissais plus de bornes à ma fureur. Il me prenait des accès de cruauté, et je devenais terrible pour celui qui s'approchait de mes yeux hagards, si toutefois il appartenait à ma race. Si c'était un cheval ou un chien, je le laissais passer. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Malheureusement, la nuit de cette tempête, j'étais dans un de ces accès. Ma raison s'était envolée, car ordinairement j'étais aussi cruel, mais plus prudent. Et tout ce qui tomberait cette fois-là entre mes mains devait périr. Je ne prétends pas m'excuser de mes torts. La faute n'en est pas, tout à mes semblables. Je ne fais que constater ce qui est, en attendant le jugement dernier qui me fait gratter la nuque d'avance. Que m'importe le jugement dernier? Ma raison ne s'envole jamais, comme je le disais pour vous tromper. Et quand je commets un crime, je sais ce que je fais. Je ne voulais pas faire autre chose. Debout sur le rocher, pendant que l'ouragan fouettait mes cheveux et mon manteau, j'épiais dans l'extase cette force de la tempête, s'acharnant sur un navire, sous un ciel sans étoiles. Je suivis dans une attitude triomphante toutes les péripéties de ce drame, depuis l'instant où le vaisseau jeta ses ancres, jusqu'au moment où il s'engloutit, habit fatal qui entraîna, dans les boyaux de la mer, ceux qui s'en étaient revêtus comme d'un manteau. Mais l'instant s'approchait où j'allais moi-même me mêler comme acteur à ces scènes de la nature bouleversée. Quand la place où le vaisseau avait soutenu le combat montra clairement que celui-ci avait été passé le reste de ses jours au rez-de-chaussée de la mer, alors ceux qui avaient été emportés avec les flots reparurent en partie à la surface. Ils se prirent à bras le corps, deux par deux, trois par trois. C'était le moyen de ne pas sauver leur vie, car leurs mouvements devenaient embarrassés et ils coulaient bas comme des cruches percées. Quelle est cette armée de monstres marins qui fend les flots avec vitesse? Ils sont six. Leurs nageoires sont vigoureuses et s'ouvrent un passage à travers les vagues soulevées. De tous ces êtres humains qui remuent les quatre membres dans ce continent peu ferme, les requins ne font bientôt qu'une omelette sans œufs, et cela partage d'après la loi du plus fort. Le sang se mêle aux os, et les os se mêlent au sang. Leurs yeux féroces éclairent suffisamment la scène du carnage. Mais quel est encore ce tumulte des eaux là-bas à l'horizon? On dirait une trombe qui s'approche. Quel coup de rame! J'aperçois ce que c'est. Une énorme femelle de requin vient prendre part au pâté de foie de canard et manger du bouilli froid. Elle est furieuse, car elle arrive affamée. Une lutte s'engage entre elle et les requins pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent par-ci, par-là, sans rien dire, sur la surface de la crème rouge. À droite, à gauche, elle lance des coups de dents qui engendrent des blessures mortelles. Mais trois requins vivants l'entourent encore, et elle est obligée de tourner en tous sens pour déjouer leurs manœuvres. Avec une émotion croissante, inconnue jusqu'alors, le spectateur placé sur le rivage suit cette bataille navale d'un nouveau genre. Il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requin, aux dents si fortes. Il n'hésite plus. Il épaule son fusil et avec son adresse habituelle, il loge sa deuxième balle dans l'ouïe d'un des requins, au moment où il se montrait au-dessus d'une vague. Restent deux requins qui n'en témoignent qu'un acharnement plus grand. Du haut du rocher, l'homme à la salive saumâtre se jette à la mer et nage vers le tapis agréablement coloré en tenant à la main ce couteau d'acier qui ne l'abandonne jamais. Désormais, chaque requin a affaire à un ennemi. Il s'avance vers son adversaire fatigué et, prenant son temps, lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë. La citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire. Se trouve en présence le nageur et la femelle de requin, sauvés par lui. Ils se regardèrent entre les yeux pendant quelques minutes. Et chacun s'étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l'autre. Ils tournent en rond en nageant, ne se perdent pas de vue, et se disent à part soi « Je me suis trompé jusqu'ici, en voilà un qui est plus méchant. » Alors, d'un commun accord, entre deux eaux, ils glissèrent l'un vers l'autre, avec une admiration mutuelle, la femelle de requin écartant l'eau de ses nageoires. Maldoror battant l'onde avec ses bras, et retinrent leur souffle, dans une vénération profonde, chacun désireux de contempler pour la première fois son portrait vivant. Arrivés à 3 mètres de distance, sans faire aucun effort, ils tombèrent brusquement l'un contre l'autre, comme deux aimants, et s'embrassèrent avec dignité et reconnaissance, dans une étreinte aussi tendre que celle d'un frère ou d'une sœur. Les désirs charnels suivirent de près cette démonstration d'amitié. Deux cuisses nerveuses se collèrent étroitement à la peau visqueuse du monstre, comme deux sangsues, et les bras et les nageoires entrelacés autour du corps de l'objet aimé qu'ils entouraient avec amour, tandis que leur gorge et leur poitrine ne faisaient bientôt plus qu'une masse glauque aux exhalations de Goémon. Au milieu de la tempête qui continuait de sévir, à la lueur des éclairs, ayant pour lit d'hyménée la vague écumeuse, emportée par un courant sous-marin comme dans un berceau, et roulant sur eux-mêmes vers les profondeurs inconnues de l'abîme, ils se réunirent dans un accouplement long, chaste et hideux. Enfin, je venais de trouver quelqu'un qui me ressembla. Désormais, je n'étais plus seul dans la vie. Elle avait les mêmes idées que moi. J'étais en face de mon premier amour. La scène entraîne un corps humain. Dans ces circonstances, elle prend des allures solennelles. Le cadavre gonflé se soutient sur les eaux. Il disparaît sous l'arche d'un pont. Mais plus loin, on le voit paraître de nouveau, tournant lentement sur lui-même, comme une roue de moulin, et s'enfonçant par intervalles. Un maître de bateau, à l'aide d'une perche, l'accroche au passage et le ramène à terre. Avant de transporter le corps à la morgue, on le laisse quelque temps sur la berge pour le ramener à la vie. La foule compacte se rassemble autour du corps. Ceux qui ne peuvent pas voir, parce qu'ils sont derrière, poussent tant qu'ils peuvent ceux qui sont devant. Chacun se dit « Ce n'est pas moi qui me serai noyé. » On plaint le jeune homme qui s'est suicidé, on l'admire, mais on ne l'imite pas. Et cependant, lui a trouvé très naturel de se donner la mort, ne jugeant rien sur la terre capable de le contenter, et aspirant plus haut. Sa figure est distinguée et ses habits sont riches. A-t-il encore 17 ans? C'est mourir jeune. La foule paralysée continue de jeter sur lui ses yeux immobiles. Il se fait nuit. Chacun se retire silencieusement. Aucun n'ose renverser le noyé pour lui faire rejeter l'eau qui remplit son corps. On a craint de passer pour sensible, et aucun n'a bougé, retranché dans le col de sa chemise. L'un s'en va, en sifflotant aigrement une tyrolienne absurde, l'autre fait claquer ses doigts comme des castagnettes. Harcelé par sa pensée sombre, Maldoror sur son cheval, passe près de cet endroit avec la vitesse de l'éclair. Il aperçoit le noyé, cela suffit. Aussitôt, il a arrêté son coursier et est descendu de l'étrier. Il soulève le jeune homme sans dégoût, et lui fait rejeter l'eau avec abondance. À la pensée que ce corps inerte pourrait revivre sous sa main, il sent son cœur bondir sous cette impression excellente et redouble de courage. Vains efforts, ai-je dit, et c'est vrai, le cadavre reste inerte et se laisse tourner en tous sens. Il frotte les tempes, il frictionne ce membre-ci, ce membre-là, il souffle pendant 1 heure dans la bouche, en pressant ses lèvres contre les lèvres de l'inconnu. Il lui semble enfin sentir sous sa main, appliquée contre la poitrine, un léger battement. Le noyé vit. À ce moment suprême, on put remarquer que plusieurs rides disparurent du front du cavalier et le rajeunirent de 10 ans. Mais hélas, les rides reviendront, peut-être demain, peut-être aussitôt qu'il se sera éloigné des bords de la Seine. En attendant, le noyé ouvre des yeux ternes et par un sourire blafard remercie son bienfaiteur. Mais il est faible encore et ne peut faire aucun mouvement. Sauver la vie à quelqu'un, que c'est beau. Et comme cette action rachète de fautes. L'homme aux lèvres de bronze, occupé jusque-là à l'arracher de la mort, regarde le jeune homme avec plus d'attention, et ses traits ne lui paraissent pas inconnus. Il se dit qu'entre l'asphyxié, aux cheveux blonds, et Holzer, il n'y a pas beaucoup de différence. Les voyez-vous comme ils s'embrassent avec infusion? N'importe. L'homme à la prunelle de jaspe tient à conserver l'apparence d'un rôle sévère. Sans rien dire, il prend son ami qu'il met en croupe, et le coursier s'éloigne au galop. Ô toi, Holzer, qui te croyais si raisonnable et si fort, n'as-tu pas vu, par ton exemple même, comme il est difficile dans un accès de désespoir de conserver le sang-froid dont tu te vantes? J'espère que tu ne me causeras plus un pareil chagrin, et moi, de mon côté, je t'ai promis de ne jamais attenter à ma vie. Il y a des heures dans la vie où l'homme, à la chevelure pouilleuse, jette, l'œil fixe, des regards fauves sur les membranes vertes de l'espace, car il lui semble entendre devant lui les ironiques huées d'un fantôme. Et le chancelle et courbe la tête. Ce qu'il a entendu, c'est la voix de la conscience. Alors il s'élance de la maison avec la vitesse d'un fou, prend la première direction qui s'offre à sa stupeur et dévore les plaines rugueuses de la campagne. Mais le fantôme jaune ne le perd pas de vue et le poursuit avec une égale vitesse. Quelquefois, dans une nuit d'orage, pendant que des légions de poulpes ailées, ressemblant de loin à des corbeaux, planent au-dessus des nuages, en se dirigeant d'une rame raide vers les cités des humains, avec la mission de les avertir de changer de conduite, le caillou à l'œil sombre voit deux êtres passer à la lueur de l'éclair, l'un derrière l'autre, et essuyant une furtive larme de compassion qui coule de sa paupière glacée, il s'écrie. Certes, il le mérite, et ce n'est que justice. Après avoir dit cela, il se replace dans son attitude farouche et continue de regarder avec un tremblement nerveux la chasse à l'homme et les grandes lèvres du vagin d'ombre, d'où découlent sans cesse, comme un fleuve, d'immenses spermatozoïdes ténébreux qui prennent leur essor dans les terres lugubres, en cachant, avec le vaste déploiement de leurs ailes de chauve-souris, la nature entière et les légions solitaires de poulpes, devenues mornes à l'aspect de ces fulgurations sourdes et inexprimables. Mais pendant ce temps, le steeplechase continue entre les deux infatigables coureurs, et le fantôme lance par sa bouche des torrents de feu sur le dos calciné de l'antilope humain. Si dans l'accomplissement de ce devoir, il rencontre en chemin la pitié qui veut lui barrer le passage, il cède avec répugnance à ses supplications et laisse l'homme s'échapper. Le fantôme fait claquer sa langue, comme pour se dire à lui-même qu'il va cesser la poursuite, et retourne vers son chenil jusqu'à nouvel ordre. Sa voix de condamné s'entend jusque dans les couches les plus lointaines de l'espace, et lorsque son hurlement épouvantable pénètre dans le cœur humain, celui-ci préférerait avoir, dit-on, la mort pour mère que le remords pour fils. Il enfonce la tête jusqu'aux épaules dans les complications terreuses d'un trou. Mais la conscience volatilise cette ruse d'autruche. L'excavation s'évapore, goutte d'éther, la lumière apparaît avec son cortège de rayons comme un vol de courlis qui s'abat sur les lavandes. Et l'homme se retrouve en face de lui-même, les yeux ouverts et blêmes. Je l'ai vu se diriger du côté de la mer, monté sur un promontoire déchiqueté et battu par le sourcil de l'écume, et comme une flèche se précipiter dans les vagues. Voici le miracle. Le cadavre reparaissait le lendemain sur la surface de l'océan, qui reportait au rivage cette épave de chair. L'homme se dégageait du moule que son corps avait creusé dans le sable, exprimait l'eau de ses cheveux mouillés, et reprenait le front muet et penché, le chemin de la vie. La conscience juge sévèrement nos pensées et nos actes les plus secrets, et ne se trompe pas. Comme elle est souvent impuissante à prévenir le mal, elle ne cesse de traquer l'homme comme un renard, surtout pendant l'obscurité. Des yeux vengeurs que la science ignorante appelle météores, répandent une flamme livide, passent en roulant sur eux-mêmes et articulent des paroles de mystère qu'il comprend. Alors son chevet est broyé par les secousses de son corps, accablé sous le poids de l'insomnie, et il entend la sinistre respiration des rumeurs vagues de la nuit. L'ange du sommeil, lui-même, mortellement atteint au front d'une pierre inconnue, abandonne sa tâche et remonte vers les cieux. Eh bien, je me présente pour défendre l'homme cette fois, moi le contemplateur de toutes les vertus, moi celui qui n'a pas pu oublier le Créateur depuis le jour glorieux où, renversant de leur socle les annales du ciel, où par je ne sais quel tripotage infâme était consignée sa puissance et son éternité. J'appliquai mes 400 ventouses sur le dessous de son aisselle et lui fit pousser des cris terribles. Ils se changèrent en vipères, en sortant par sa bouche, et allèrent se cacher dans les broussailles, les murailles en ruines, aux aguets le jour, aux aguets la nuit. Ses cris devenus rampants, et doués d'anneaux innombrables, avec une tête petite et aplatie, des yeux perfides, ont juré d'être en arrêt devant l'innocence humaine. Et quand celle-ci se promène dans les enchevêtrements des maquis, ou au revers des talus sur des sables des dunes, elle ne tarde pas à changer d'idée. Si cependant il en est temps encore, car des fois l'homme aperçoit le poison s'introduire dans les veines de sa jambe, par une morsure presque imperceptible avant qu'il ait eu le temps de rebrousser chemin et de gagner le large. C'est ainsi que le Créateur, conservant un sang-froid admirable, jusque dans les souffrances les plus atroces, s'est retiré de leur propre sein les germes nuisibles aux habitants de la terre. Quel ne fut pas son étonnement quand il vit Maldoror, changé en poulpe, avancer contre son corps ses 8 pattes monstrueuses, dont chacune, lanière solide, aurait pu embrasser facilement la circonférence d'une planète. Pris au dépourvu, il se débattit quelques instants contre cette étreinte visqueuse qui se resserrait de plus en plus. Je craignais quelque mauvais coup de sa part. Après m'être nourri abondamment des globules de ce sang sacré, je me détachai brusquement de son corps majestueux et je me cachai dans une caverne qui depuis lors resta ma demeure. Après des recherches infructueuses, il ne put m'y trouver. Il y a longtemps de ça, mais je crois que maintenant il sait où est ma demeure. Il se garde d'y rentrer. Nous vivons tous les deux comme deux monarques voisins qui connaissent leurs forces respectives, ne peuvent se vaincre l'un l'autre et sont fatigués des batailles inutiles du passé. Il me craint et je le crains. Chacun, sans être vaincu, a éprouvé les rudes coups de son adversaire et nous en restons là. Cependant, je suis prêt à recommencer la lutte quand il le voudra. Mais qu'il n'attende pas quelque moment favorable à ses desseins cachés. Je me tiendrai toujours sur mes gardes en ayant l'œil sur lui. Qu'il n'envoie plus sur la terre la conscience et ses tortures. J'ai enseigné aux hommes les armes avec lesquelles on peut la combattre avec avantage. Ils ne sont pas encore familiarisés avec elle. Mais tu sais que pour moi, elle est comme la paille qu'emporte le vent. J'en fais autant de cas. Si je voulais profiter de l'occasion qui se présente de subtiliser ces discussions poétiques, j'ajouterais que je fais même plus de cas de la paille que de la conscience. Car la paille est utile pour le bœuf qui la rumine, tandis que la conscience ne sait montrer que ses griffes d'acier. Elles subirent un pénible échec le jour où elles se placèrent devant moi. Comme la conscience avait été envoyée par le Créateur, je crus convenable de ne pas me laisser barrer le passage par elle. Si elle s'était présentée avec la modestie et l'humilité propres à son rang, et dont elle n'aurait jamais dû se départir, je l'aurais écoutée. Je n'aimais pas son orgueil. J'étendis une main, et sous mes doigts broyai les griffes. Elles tombèrent en poussière, sous la pression croissante de ce mortier de nouvelle espèce. J'étendis l'autre main et lui arrachai la tête. Je chassai ensuite, hors de ma maison, cette femme à coups de fouet, et je ne la revis plus. J'ai gardé sa tête en souvenir de ma victoire. Une tête à la main, dont je rongeais le crâne, je me suis tenu sur un pied, comme le héron, au bord du précipice creusé dans les flancs de la montagne. On m'a vu descendre dans la vallée pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme comme le couvercle d'une tombe. Une tête à la main, dont je rongeais le crâne, j'ai nagé dans les gouffres les plus dangereux, longé les écueils mortels et plongé plus bas que les courants pour assister comme un étranger au combat des monstres marins. Je me suis écarté du rivage jusqu'à le perdre de ma vue perçante, et les crampes hideuses, avec leur magnétisme paralysant, rôdaient autour de mes membres, qui fendaient les vagues avec des mouvements robustes, sans oser approcher. On m'a vu revenir sain et sauf dans la plage, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme, comme le couvercle d'une tombe. Une tête à la main dont je rongeais le crâne, j'ai franchi les marches ascendantes d'une tour élevée. Je suis parvenu les jambes lasses sur la plateforme vertigineuse. J'ai regardé la campagne, la mer, j'ai regardé le soleil, le firmament. Repoussant du pied le granit qui ne recula pas, j'ai défié la mort et la vengeance divine par une huée suprême et me suis précipité comme un pavé dans la bouche de l'espace. Les hommes entendirent le choc douloureux et retentissant qui résulta de la rencontre du sol avec la tête de la conscience que j'avais abandonnée dans ma chute. On me vit descendre avec la lenteur de l'oiseau, porté par un nuage invisible, et ramasser la tête pour la forcer à être témoin d'un triple crime que je devais commettre le jour même, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme, comme le couvercle d'une tombe. Une tête à la main, dont je rongeais le crâne, je me suis dirigé vers l'endroit où s'élèvent les poteaux qui soutiennent la guillotine. J'ai placé la grâce suave des coups de trois jeunes filles sous le couperet. Exécuteur des hautes œuvres, je lâchai le cordon avec l'expérience apparente d'une vie entière, et le fer triangulaire, s'abattant obliquement, trancha trois têtes qui me regardaient avec douceur. Je mis ensuite la mienne sous le rasoir pesant, et le bourreau prépara l'accomplissement de son devoir. Trois fois, le couperet redescendit entre les rainures avec une nouvelle vigueur. Trois fois ma carcasse matérielle, surtout au siège du cou, fut remuée jusqu'en ses fondements, comme lorsqu'on se figure en rêve être écrasé par une maison qui s'effondre. Le peuple stupéfait me laissa passer pour m'écarter de la place funèbre. Il m'a vu ouvrir avec mes coudes ses flots ondulatoires et me remuer plein de vie, avançant devant moi, la tête droite, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme comme le couvercle d'une tombe. J'avais dit que je voulais défendre l'homme cette fois, mais je crains que mon apologie ne soit pas l'expression de la vérité, et par conséquent je préfère me taire. C'est avec reconnaissance que l'humanité applaudira à cette mesure. Il est temps de serrer les freins à mon inspiration et de m'arrêter un instant en route, comme quand on regarde le vagin d'une femme. Il est bon d'examiner la carrière parcourue et de s'élancer ensuite les membres reposés d'un bond impétueux. Fournir d'une traite d'une seule haleine n'est pas facile, et les ailes se fatiguent beaucoup dans un vol élevé, sans espérance et sans remords. Non, ne conduisons pas plus profondément la meute à garde des pioches et des fouilles à travers les mines explosives de ce champ impie. Le crocodile ne changera pas un mot au vomissement sorti de dessous son crâne. Tant pis si quelque ombre furtive, excitée par le but louable de venger l'humanité, injustement attaquée par moi, ouvre subrepticement la porte de ma chambre en frôlant la muraille comme l'aile d'un goéland et enfonce un poignard dans les côtes du pilleur d'épaves célestes. Autant vaut que l'argile dissolve ses atomes de cette manière que d'une autre.